avant tout le monde. 89.1. Bonjour et bienvenue à Sondage Rocky à la plage pour la semaine du 29 juillet 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Et malheureusement, Stéphanie Paradis est en vacances cette semaine. Oui. À Cap-Chat. Mais moi, je fais... c'est exotique. Oui. Des beaux petits chats exotiques, oui. Entourés de mouches exotiques dans ce pays où, évidemment, le tiers-monde, le Cap-Chat. Non. Oui. C'est là où il n'y a pas Internet. C'est pas le tiers-monde, en fait. Attends un peu, je vais te passer à ma blague puis je la trouve drôle à l'avant. Ah, c'est bon! Je voulais-tu finir la tienne avant? Non, c'est fait, moi, okay. C'est fait. La mienne, c'est pas le tiers-monde, c'est le litière-monde! Le litière-monde! Ça augure une bonne émission. We'd be crime fighters together and do things that fathers do. When you told me about his mother and all that she'd been through. What could I do? Stuck by, and at my side is God. There ain't no one going to turn me round. There ain't no one going to turn me round. I C'était Zeus et The Ballad of El Gudo sur leur nouvel album Cover Me, position numéro 19 du côté anglophone. Avant ça, c'est la 20e place, occupée par I Love You de Seth the Whale. Seth the Whale, retour pour eux, retour pour Zeus aussi, et retour en fait de deux de mes groupes préférés de tous les temps. Quand même. Assez fou. C'est pas ma pièce préférée de Zeus, par contre. Je trouve que les autres étaient vraiment plus accrocheuses, mais ça a du potentiel et j'ai bien hâte d'entendre le reste là-bas. Moi qui pensais que tu me disais ça à moi. I love you, Jimmy. I love you. Ouais, toi, là, je pensais que tu m'appelais Zeus, tu sais. Le dieu, évidemment, du tout. Du poêle. C'est le dieu du poêle. Le dieu du poêle. Donc, tantôt, dans notre cacophonie de début d'émission, de tellement être fier de ma blague de litière monde, là, évidemment. On en a perdu nos moyens. Je pense que ça va être dans les meilleurs moments de tous les temps. Je pense. Ah, ben, je l'ai pas noté. Le téléphone sonne, justement. Non, c'est pas vrai. On l'a dédié cette blague-là à Stéphanie Paradis qui nous a écrit nous disant que c'est un petit peu chien, tu sais, que je vous écoute. Chien! Ah, chien! Et a dit, Lydia Monde, very fucking good call. Je pense que ça a marché. T'sais. Pour une fille qui vient de là, ça pourrait être insultant. Ben oui. Mais c'était pour le jeu de mots, c'est pas ce que je pense vraiment. C'était juste c'est étonnamment à la vitesse qu'on l'a reçu, pareil. Hein? Oui, par pigeon, voyageur. Par petit chat voyageur. Par poisson-chat voyageur. Oh, wow, poisson volant-chat. Ouais. Ouais, ouais. Non, on est très tôt, hein? Pas mal vite à parler de ça. On n'a pas parlé de ce qui s'en vient dans l'émission. D'habitude, dans l'intro, on vous dit ce qui s'en vient. Donc, allons-y avec ça. Il n'y a pas grand-chose, pas énormément. Simon Fitzbé va être de retour après une absence prolongée pour sa chronique La carte postale musicale. Donc, une petite carte postale avec des chansons dedans, si on veut. Mm-hmm. Hein? Qui d'autre avons-nous dans les chroniqueurs? Personne, je pense. Justine? Justine n'est pas là aujourd'hui. Malheureusement, rendez-vous pour sur sa voiture. D'accord. D'accord. Donc, je pense que ça va être pas mal toi, moi, et Simon, qui est même pas ici, alors, présent. En mais présent. Il pense à nous. Et voilà. Et voilà. Les deux pieds dans le sable, les yeux dans l'eau. Oui, Hélène, things you do makes me crazy about you. C'est ce qu'ils disent. J'aime bien dire. Une bonne toune de rock voisine. Yeah! Au 90-1. Inside tellement. Donc, dans l'émission d'aujourd'hui, je t'ai pas non plus demandé si ça allait bien. Oui, ça va bien. Good. Passons à autre chose. On a fait le tour du sujet. Oui, mais toi, Mathieu, comment ça va? Correct, c'est cool. Bon, on va passer une belle émission ensemble. Ouais, je suis sûr. C'est de plus en plus moins garni de gens. Ouais. Mais c'est pas grave. Mais nous, on est de plus en plus garni de coups de soleil. Voilà. C'est. On n'en plume plus. Ben, on n'en plume plus. En parlant de plumer, mais je perds de la peau dans le cou. Ah, cool. Oui, parce que j'ai collectionné. Ben oui, mais j'en ai mis un petit peu dans ton bureau, je m'excuse. Ah, je vais pouvoir me faire un petit GP. Oui, un GP. En peau de moi. Oui. Mm. Ou des souliers, des mocassins. Tu sais, au lieu d'être peau de serpent, ça va être en peau de GP. Oui. Ah, ça va nulle part. On pourrait faire des blagues de mocassins, toi de mes seins. Je te conseille pas. Mais pour l'instant, vu qu'on vient de dire, on vient d'écouter nos nouvelles entrées du côté anglophone. Et la semaine passée, on a entendu les nouvelles entrées du côté francophone. Ça fait 5 pièces. Ça fait qu'il faut dire au revoir aux autres. Comment qu'on appelle ça? Palmaris in Peace, je pense. De premier coup, je suis même pas prêt. D'habitude, tu te trompes tout le temps. Ben, hey, écoute, là, ça fait combien d'émissions qu'on fait, là? 3-4 douzaines. Bon. Faut que je l'apprenne. C'est ça. Palmaris in Peace. Just now, tens of change. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis le précédent palmarès. Devant l'ennui, je m'enchaîne au paradis, à trafiquer mes taudis. Eh oui, mais, le oui, mais, ma cervelle chauffe un taxi. Voilà qu'elle frappe à ma porte. Leur infirmière qui me porte en omnisomnifère. Ces omnisomnifères. Maintenant vole, maintenant que tu es en retraite forcée, laisse-nous te saluer. Toi, tes amis, tes enfants et ta femme, qui as-tu s'exprimer avec les bons mots en te trouvant? Les pièces qui ont quitté les palmarès assez fous depuis l'édition précédente, c'est-à-dire celle du 8 au 21 juillet 2013. Donc, on a dit au revoir à Edgar Bory, journée d'enfer, qui est resté cette semaine au grand désarroi de Mathieu. Tellement un rouge pompier! Oh! Moi, je suis triste. Avec Paul, qui a duré 8 semaines. Je la mettrais tout le temps, là. Mais oui. Redondante, mais vraiment bonne. Ah oui. Chantal Archambault, Tombé Frêle, est restée 9 semaines. Wow. The Best Nerd Lace, People of the Sticks, qui a duré 7 semaines. Et The Clicks avec Savannah, 6 semaines. Ça, je comprends pas. C'était vraiment très, très bon, cette pièce-là. Ça aurait dû durer plus longtemps. Bon. Bon, mais ben, c'est pas parce qu'ils s'en vont qu'ils sont plus bonnes. Non, puis ça compte aussi que c'est pas moi qui ai le pouvoir là-dedans. Ouais, mais on laisse place à la nouveauté. Exactement, ben de la nouveauté, vous l'avez remarqué, on l'a pas dit tantôt, mais du côté francophone, les nouvelles entrées étaient Caféine avec L'Orpheline, Lila Dissa avec Haiku Girl, et en 20e, c'est Navarre avec Ta Cadence. On a écouté tantôt les deux du côté anglophone, qui est évidemment Set the Whale et Zeus. Exactement. Voilà. C'est tout pour Palmer Recipes, on fait ça à chaque deux semaines. Dans la deuxième semaine du cycle, finalement. Voilà. C'est un peu compliqué à expliquer, mais bon. On fait francophone-anglophone de semaine en semaine, vous le savez bien. Depuis le nombre d'émissions qu'on a fait. Hein. Ben oui, cet été. Il en reste pas beaucoup. Il reste non. Le mois d'août. Oui, il reste le mois d'août. Qui commence là. Pas mal la première émission du mois d'août. On est pas mal rendu dans le temps de payer son loyer. Et ça a passé vite. Ben oui. Les loyers se suivent, mais ne se ressemblent pas. Dépendant si vous avez déménagé. Je sais pas. On retourne du côté anglophone à notre palmarès. On n'est plus dans les nouvelles entrées, par contre. Donc, on va sauter par-dessus quelques affaires. Par contre, on ne sautera pas la 18e place parce qu'elle est là juste depuis 5 semaines. Hein? Ben non, on va juste la trouver. C'est How to Destroy Angel, Keep Together, qui descend d'une position. Et voilà. Et plus tard, on va commencer l'émission avec la chronique C'est un fait. Non. Commence l'émission en termes de chronique. Ben tu vas commencer. Ben c'est ça. 20 minutes de fête, ça fait combien en pourcentage? On vous laisse le soin de le calculer à la maison. Ouais. Le premier appel. Vu que je suis pas capable de calculer, tu me donnes mon 4%. Oui, c'est ça. Ceux qui réussissent à nous appeler, on vous donne le 4% de Mathieu qui est 5$. Voilà. Yes. We'll be right back. numéro 17. She's so easy to fall for, but boy, she's so hard to hold. She looks at you like a warning. You know you're gonna be hungry when you get home. Her lips make the cherries and the berries and the apples look pale. She could ask anything, you would do anything, no matter what, you would obey. And she turns every room into a dance floor. But she turns and she sways and she spins. And you're standing still like a statue. And you can't take your eyes off her skin. Every word from her mouth turns to gold. How can you ever catch her eye when she's all colors and heat, you're all gray and cold? You keep looking up, but she'll never, ever look down. Oh, look at this part you've chosen. You're the jester of the queen. She's the queen of the town, and you wish she was in a movie. You could watch at home 10 times a day. Or you could just sit without having to think about something important to say. Oh boy! The Boy, position numéro 17, ça descend d'une place du côté anglophone. Et juste avant, c'était How to Destroy Angels avec Keep It Together, qui est descendu d'une place également. Tellement. Tu sais, tantôt qu'on parlait du pourcentage de... C'était quoi l'affaire? C'était du pourcentage de quoi? En fait, on a demandé combien de pourcentage de l'émission était passé. Oui, il était 14h20. Oui. Exactement. Et là, le père de Stéphanie Paradis, notre co-animatrice d'habitude, a dit 8% environ, je le calcule mentalement. Okay? Et là, Stéphanie, évidemment, elle saigne du nez parce qu'il fallait qu'elle fasse des maths. Et finalement, ils ont calculé et ça donne 8,3, donc son père est fort. Mais c'est un comptage, ça fait... Hein? Oui, sauf qu'en même temps, si dans un examen, on comptait la virgule... Il n'y aurait pas eu bon. C'est ça. Puis si c'était des scènes, ben on arrondirait à 8,5 parce que, tu sais, on... ouais. Les scènes sont... Puis si, mettons... C'est assez d'exemple, je trouve. Ouais. OK. Ouais, ben c'est ça. C'est en un autre. Ben non. Veux-tu apprendre des choses à la place d'essayer de nous en apprendre? Ben, c'est ce que j'essayais de faire. C'était le lien que je voulais oh, faire. Oh, bravo! On aurait pu faire aussi quoi de neuf, docteur? Ça, c'est une carotte. Je sais pas comment ça, de manger des céleri crus, c'est plate à mort. Ben, c'est ça qui donne la saveur à ton sperme, le céleri, ça ben, donne... On se demandait ça en ronde, ouais. Puis on se disait justement que ça créerait un malaise, puisqu'on est en gars, festival de la saucisse. Ben, par exemple, je pourrais poser la question sur Facebook. OK, parfait. En tout cas, tu me diras si ça goûte. Okay. Parfait. Voici C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritable et vérifiable. La chanson thème fait aller les épaules de Jean-Philippe comme ça n'a pas d'allure. Oui. Mm-hmm. Une véritable bête. Véritable bête. Commençons. Est-ce que tu connais le poisson l'hydre, H-Y-D-R-E en français? En anglais, c'est Hydra. Non. Non. Ben, c'est un poisson qui est de la même famille que ce qu'on appelle le jellyfish. Jellyfish étant évidemment une méduse. Mm-hmm. Ah, j'ai fait mes recherches. Il peut refaire pousser son corps à l'intérieur d'une période de quelques jours si jamais on le coupe en deux. Donc, l'hydre, si on le coupe en deux, chop-chop, repousse. Comme la méduse, finalement. Comme la méduse, sur la même famille. Aha! C'est fascinant. Fascinant. Le plus gros oiseau du monde, c'est l'autruche, on l'a déjà dit. Mais savais-tu qu'elle peut se rendre jusqu'à 9 pieds d'hauteur et peser jusqu'à 400 livres? Ou ça, ou encore, elle porte des béquilles, fait qu'elle triche. L'autruche triche. Not ça. Le plus petit mammifère dans les airs est le Bumblebee Bat. Ça aussi, on l'a déjà dit. C'est juste pour ajouter des faits. Bumblebee, c'est un bourdon. Bat, c'est une chauve-souris. J'imagine que c'est le genre de chauve-souris bourdon. Je sais pas si c'est noir et jaune. Qui mesure environ 1,14 pouces et peut peser entre 0,06 et 0,07 onces. C'est le plus petit mammifère dans les airs. Ensuite de ça, tous les ours polaires sont gauchers. Oh! De la patte. Toutes! Je sais pas si c'est celle en arrière à gauche. Non, c'est sûrement celle en avant. Ça écrit mal avec la patte en arrière pour le... Ben oui. L'ours polaire, c'est connu. Le narwhal. Connais-tu l'animal, le narwhal? Non. Non, mais non. On l'appelle la licorne des mers, en fait, parce que il y a une dent de 8 pieds de long qui sort dans l'avant comme une corne, le narwhal. Mmh. Ils sont pas... ils ont pas d'amis. Ils ont toute une dent un contre l'autre. Narwhal, donc allez voir le dessin, la photo, en fait, sur assemblagerequis.com. N-A-R-W-H-A-L. Même si elle a l'air épeurante, la tarentule ne peut pas faire de mal à l'humain parce qu'en fait, son venin est plus faible que la plupart des piqûres d'abeilles. Mmh. Donc, ça fait pas de mal, tarentule. C'est juste une grosse bête velue. C'est ça. Qui grimpe dessus. T'as pas peur de toi? Fait que j'ai pas peur d'une tarentule. C'est pas gros velu. Non. Je voulais pas... T'es plus gros qu'une araignée. Pas pense à l'autre. Quand elle était jeune, Demi Moore avait les yeux croches. Ah. Ouais. Dans le sens qu'elle louchait. C'est ça. Elle n'a pas les yeux croches pour de vrai. Non, elle louchait. Mm-hmm. Genre son nez était genre sur le bord de son oreille. C'est ça. Elle a eu deux chirurgies pour corriger l'alignement de ses yeux. Très bel job. Oui. Chris Pine de Star Trek, les films Star Trek, est né et le seul acteur principal de la série de films Star Trek récente, qui est né après le début de la franchise. Oh! On me dit que on l'appelle tout le petit nouveau. Le petit nouveau. Ouais. Chris Pine, ça sent le pain. Pine, comme une, dans un, l'arbre. Bon, tu vois. Stéphanie nous dit que c'est narwhal, pas narwhal, excuse-moi. Mm-hmm. Live! Comme si c'était en studio. Ça se passe de même. comme wagon, on dit wagon. Ah. Toujours dans le petit. En fait, on passe à un petit bloc sport maintenant. Le hacky sack, ce qu'on appelle le hacky communément, a été inventé par un joueur de football au milieu des années 70. Il l'utilisait pour renforcer les tendons parce qu'il s'était déchiré les tendons dans le genou. Mm-hmm. À ne pas confondre avec la fameuse histoire qui était là, ouais, j'aimerais ça travailler, jouer avec un petit sac. Puis là, finalement, ça a dégénéré. C'est une joke de poche. Ouais. Tabarnouche. J'aurais jamais pensé ça. Il y a un seul McDonald's au monde. En fait, le bloc de sport, c'était un fait. Il y a un seul McDonald's dans le monde dont les arches sont turquoises. Oh! Okay? J'avais déjà entendu le fait, mais là, on précise que c'est à Sedona, en Arizona, parce que le jaune du M de McDonald's clashait avec les roches naturelles qu'il y avait derrière ou à côté. Et la photo sur assemblagerequis.com nous montre vraiment que les M sont un genre de bleu acier. Non, j'aime le bleu acier. Celui-là, je l'aime pas. C'est comme un genre de bleu turquoise, mais qui tient sous le vert. C'est pas très beau, mm-hmm. mais au moins, ça fit avec le paysage autour. Mais bon, au moins. Au moins. En Arizona. Qu'est-ce que la sénosilicaphobie? Sène? Non? Non. C'est non. C'est non. C'est non là-dessus. OK, pause. La sénosilicaphobie, c'est la peur d'un verre vide. Tu sais, quand on dit un verre est à moitié plein ou à moitié vide? OK. Fait que maintenant, t'es accoté à la chasse puis tu te dis, ouais, ce verre-là, je veux qu'il soit jamais vide. Parce que je suis sénosilicaphobe. Voilà. Et voilà. Ça marche avec les jobs, ça? Mettons, job à temps plein, job à temps vide. C'est entre deux. T'es comme, c'est à moitié vert, à moitié plein. J'en trouve aussi à moitié vide. Ouais, c'est à moitié vide de sens. le 24 juillet en 1567, ça fait un petit bout. Mary, la reine des Écossais. On l'appelle Mary Queen of Scots. Là, je ne sais pas si je la traduis correctement. Mais bref, elle a abdiqué. C'est ça qu'on dit quand elle se retire du poste. Elle a abdiqué son trône. Ce qui voulait dire que son fils de 1 an est devenu le roi. Parce que c'était le prochain en ligne, finalement. Wow. Un peu comme si là, tu sais, chose, tu sais, truc patente, là, démissionnait, puis qui tuait tous les autres de la famille, puis qui essayait avec le petit George Alexander Louis. Ouais. Louis. Les paresseux, l'animal, le paresseux, ne va aux toilettes faire un number two. C'était fait, une blague? Non, c'est parce que je la voyais venir, puis je savais pas comment l'amener. Mm-hmm. Il va faire toilette numéro 2, seulement une fois par semaine, le paresseux. Bon, ben, crime. Hein, ça a le temps de bouger par en dedans, mouvement de boyau. Et oui, faut pas que... Tu sais, des fois, t'as comme une petite crampe, là, t'es comme... Ah, bon, j'irai plus tard. Ça reste une semaine. Et voilà. Oh là là. Hier. Ah, ça, c'est cute, par exemple. Les policiers britanniques, dans leur voiture, ils ont des petits oursons en toutou, là, pour consoler les enfants après un accident. Oh. Ben, c'est une belle attention, ça. Très belle attention. Toujours dans le domaine de la loi. En Allemagne, c'est obligatoire, selon la loi, que chaque conducteur de voiture ait un training en premiers soins. Ils doivent avoir un kit, un ensemble de premiers soins dans sa voiture, dans le coffre à gants, mettons, un kit de premiers soins. Où ça? En Allemagne. Ah! Ça explique bien des choses. Comme? Mais en fait, pour posséder une voiture allemande, dans mon appui-bras arrière, tu sais, pour les passagers arrière, il y a une trousse de premiers soins. Ben, je me demandais pourquoi il y avait ça. Ben, c'est super. Et t'as appris une chose aujourd'hui. Oh. Ma job est faite. Ouais, mais j'ai appris plus qu'une chose, parce que à toutes tes réponses que tu dis, ouais, tu sais quoi ça? Je dis non. Non, c'est ça. Ben, j'ai l'air d'un ignorant. Ben non. Hey, wow. Si les gens pensent qu'ils sont ignorants, sachant pas ces faits-là, c'est parce que, gars, c'est ma mission de vous apprendre des affaires. C'est pour ça que ça s'appelle, c'est un fait. Voilà. Ben, ça pourrait s'appeler n'importe comment d'autre, mais faut pas le mot malade. Si une fourmi était de la même grandeur relative qu'un humain, okay, donc si on grossissait la fourmi pour que ça soit de la taille d'un humain, elle irait aussi vite en marchant qu'une Lamborghini. Mm-hmm. Tu sais, relativement, tu sais, mettons, si tu montres les deux graphiquement sur la courbe des. C'est le fun, hein? Puis on pourrait transporter notre poids vraiment beaucoup. Oui. Sûrement, exactement. Parce que c'est 10 fois, je pense, la fourmi. Ça se peut. Mm-hmm. Mm-hmm. Une femme s'est déjà réveillée à sa propre funéraille. Elle était tellement sous le choc qu'elle a eu une attaque cardiaque et est décédée. Tu sais, t'es dans le coma, tu te réveilles à ta funéraille. Une étude nous apprend que marier ton meilleur ami ou ta meilleure amie va éliminer les risques de divorce de 70%. Ces mariages-là ont plus de chances de durer toute la vie. Ah. Parce que ça commence sur une base, une bonne fondation d'amitié. Le mot orchidée vient du grec pour testicule. Je cherchais pas à laisser prendre ta gorgée d'eau avant. Orchidée. En 1808, deux Français ont fait un duel, OK? Un duel. Je sais pas si c'était à l'épée. Non, je sais pas. Bref, ça dit pas l'arme. Mais deux Français ont fait un duel en montgolfière au-dessus de la ville de Paris. La foule regardait. Un homme a frappé la cible, donc a réussi à frapper le ballon de l'autre. Et l'autre est tombé de 2000 pieds. Jusqu'à sa mort. Ah! En 1808. La plupart de l'encre dans les tatous n'est pas vegan, n'est pas végétalien. Tu sais, végétalien, c'est ceux qui n'ont rien à voir avec aucun produit des animaux, que ce soit le lait ou les œufs. Transformés ou pas. Exactement. Donc, c'est pas vegan parce que c'est fabriqué avec des gras d'animaux et des os carbonisés. Aha! Charred bones. Oui, j'ai cherché. Charred. Je vais m'étudier. Charred. Mais bref, des os carbonisés. Bizarre. Betty Crocker. Tu connais Betty Crocker sur les patates pilées, hein, toi? Les patates. Les petites. N'a jamais été une vraie personne. Oh. Étrangement, tu sais, Laura Secor, là, il me semble que ça, c'est une vraie personne. Uncle Ben's, lui? Je sais pas, je pense que non. Oh, je pense que c'est non. C'est un fake. Ah, ça me rappelle, je me semble que j'ai déjà fait un fait là-dessus sur Uncle Ben. Je commence à shaker. Ouais, bois de l'eau. Donc, Betty Crocker n'a jamais été une femme. Et si vous voulez voir son image, sa face, qui a été changée avec les années parce que c'était une actrice différente à différentes époques et elle se ressemble jamais. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com. Le mois de juillet. Je pense que la semaine passée, on avait dit que c'était le mois des lasagnes. Si je me rappelle bien, c'est-tu lasagne? C'est un test. C'est une affaire de nourriture, mais c'est aussi le mois national. Ben, en fait... pourquoi je dis que c'est la semaine passée. C'était ça le fait. C'est le mois national de la lasagne. En fait, c'est le Lasagna Awareness Month. De la conscience, donc, que les... C'est un double test, parce que ouais. Là, si j'avais dit, ben oui, c'est ça que t'as dit la semaine passée. En plus, hein? Là, j'aurais été vraiment... J'aurais dû, maudit. Mais ça, je voulais faire. Ouais. L'an passé, 5 garçons sont nés aux États-Unis qui s'appelaient Baby Boy. Tu sais, en un mot, pas de majuscule au milieu, Baby Boy. Bébé garçon. Superbe. 5 choix tristes ouais. Pour l'humanité. La semaine passée, et là, c'est vrai que c'était la semaine passée, c'était Prince George. Prince George. Mais en un mot, ouais. Pas de majuscule. Ceux qui souffrent du Alien Hand Syndrome, le syndrome de la main extraterrestre, ont l'impression eux-mêmes que leur main est autonome et souvent va leur désobéir et qu'ils n'ont aucun contrôle sur l'action de leur main extraterrestre. Mais c'est un problème mental, on s'entend. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de le dire, mais wow. Je reste que je la trouve drôle. C'est vraiment bizarre, vraiment. Ouais. Je sais pas combien il y en a de gens qui ont ça, mais bon. Jusqu'en 2009, Disney engageait des gens, OK, des employés, pour surveiller les flashers. C'est ceux qui montent leur poitrine à Splash Mountain, l'affaire qui descend dans l'eau. Donc, ils vérifiaient pour que les photos, parce que tu sais qu'en bas, les photos apparaissent... Ah, sur l'écran? Oui, après quelques temps, les photos sont prises en haut, puis quand t'arrives en bas, la photo est sur l'écran, tu peux en avoir une copie. C'est pour empêcher que ces photos-là soient affichées. Bon, en même temps. Depuis 2009, en fait. En même temps, il y a des enfants, là! Non, mais il faut qu'ils apprennent la vie. Ben oui, il y a quelqu'un qui met l'écran plus haut. si vous ne le saviez pas encore, le cancer du poumon a causé la mort du premier propriétaire de la compagnie Marlboro. Oh. Les cigarettes. Cancer du poumon. Oprah Winfrey est chicléphobique. Et là, je crois que je peux te demander qu'est-ce que c'est parce que ça sonne comme c'est. Chicléphobie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est peur de chiquer. De la gomme? Ouais. Mais c'est un peu ça. Chiquer, de la gomme. Ouais. Ça aurait pu être du tabac. Oui, mais c'est la chiclets. J'avais juste en tête ça. Chiclets. Est-ce qu'il y a encore des gens qui mangent des chiclets? Ouais, pour le goût qui dure une seconde. Il y en a qui sont fans de la gomme savon, je comprends pas ça. Ah. Je comprends pas. Ils en vendent à... Ça existe encore, chiclets? Mais oui. Ah bon. Devine le livre qui est le plus volé au monde. Encore une fois, une facile. La Bible. La Bible, exactement. Si on avait dit... Si c'est le plus lu... Oui, le plus lu, le plus vendu sur les livres électroniques qu'on disait la semaine passée. Ouais. Et le plus shoplifté. Mais en même temps, il est dans tous les motels. Ouais. Ah, si c'est vrai, si ça compte les hôtels, tu viens pas mal de garantir que les gens vont partir avec. À moins qu'il y ait une chaîne après, c'est sûr que le monde part avec. Ouais. La lampe est attachée, OK, je partirai pas avec. Il y a au-dessus de 50 000 personnes aux États-Unis qui ont plus de 100 ans en ce moment. 50 000 personnes, c'est plus que j'aurais pensé. Devine le fruit le plus populaire au monde. L'orange. Non. Non. La banane. Non, c'est même pas un évident. Ah, le kiwi. Non, la mangue. Ah! La mangue est le fruit le plus populaire. Mais c'est bon, c'est la exotique. Mangue. C'est très exotique. Le popcorn dans un cinéma, ça coûte plus par once que le filet mignon. Aïe aïe, par once, là, si on y va vraiment par... T'sais. Filet mignon, bravo. Ouais, mais serais-tu game de temps passé? Non, j'avoue. Non. Du filet mignon à saveur de beurre de popcorn. Je note. Miam! La laine d'un mouton ne va jamais arrêter de pousser. Et en fait, le mouton va finir par rouler sur son dos à cause du poids et va mourir parce qu'il ne peut pas manger si on ne le tond pas. Ça m'impressionne, je savais pas ça. J'espère qu'il m'arrivera jamais ça. Non! Ah! T'es poilu du dos, hein? Non, pas dans le dos. Je t'imagine comment, non? Non. Tu vois, tu viens de défaire le mythe que j'avais dans ma tête. On revient en Allemagne où on était tantôt avec les petits oursons poilus. Hein. En Allemagne, il y a de faux arrêts d'autobus à l'extérieur des maisons de personnes âgées pour empêcher les personnes âgées de partir. Parce que souvent, les personnes âgées quittaient l'endroit, allaient dans un arrêt d'autobus et prenaient l'autobus pour s'enfuir de la maison. Tu mets des faux arrêts, le docteur, ben, tu sais, l'infirmière. Il y a temps d'aller la rechercher. C'est drôle. C'est de toute beauté, là. C'est bon, c'est une bonne idée. Et il joue dans le Truman Show. Oui. Tout est faux, il n'y a rien de vrai. Ça rappelle toutes les émissions, genre, peu importe, là, à la télé, les Dr. House, Monk, n'importe quoi, où t'as tout le temps une personne âgée qui s'enfuit à quelque part, puis ben là, oui. Tu la retrouves à quelque part. Bref, ça va empêcher des affaires de même. C'est des Caroline, on va falloir qu'on enlève tous les épisodes de même. Allez, ben oui, ça existe pour de vrai. Ça existe pour vrai. La plus populaire recherche d'images sur Google en 2012. Qu'est-ce que c'était? Le mot-clé. En fait, les mots-clés, il y en a deux, c'est un indice. Non? Les plus recherchés par les photos sur Google. Bleu nuit. Non. Deux mots. Deux mots. C'est pas du sexe. Ah! Quoique les filles aimeraient ça, c'était du sexe. Indice. Indice. C'est un groupe de musique. Ah! Puis ils s'en vont tous dans le même bar. C'est comme, mettons, ils vont tous dans une direction. Et voilà, voilà. One direction to the bathroom. Ah ouais. To go shit because it's bad. C'est le plus C'est le nom complet. One Direction, donc c'est le mot le plus recherché, l'expression sur Google Images en 2012. Voilà pour C'est un fait, c'est là-dessus qu'on termine ça. Je suis un peu déçu. Comment ça? Ben là, il me semble... Ça, il est fort, là. Ben non, mais je suis déçu que ça se finisse là. Hein? Mais One Direction, c'est un peu plate, hein? Ben, il me semble qu'il y a plus d'affaires à regarder. C'est The Wanted, c'est bien meilleur, non? Ou non, genre mais... Back to the Boys. Ouais, ou n'importe autre. Quoi, là. Ouais. Un groupe de musique. Une genre une top modèle, ou tu sais. Ben ouais. C'est ça, une vedette. Quelque chose, ça aurait été plus fun que One Direction. Mais non, c'est comme ça. Fait que. C'est un fait. On peut pas le changer. On prend une pause au retour. On revient en musique avec, entre autres, David Bowie. Est-ce que tu veux ressortir ta blague de David Bowie? David Bowie. Yeah! Oui. Mathieu, t'es beau? Oui! Oui! Yeah! C'est fou. Les extrêmes, ça nous anime. C-F-O-U 89-1. Toujours à soir avec à la plage avec Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Oui, Stéphanie Paradis, toujours pas là. Elle est avec nous via message texte. Exactement, et on fait référence à une fois de temps en temps, donc soyez pas surpris si on dit Stéphanie a dit. C'est pour ça. Donc, on continue le palmarès anglophone. Vous savez, tout l'été, on bascule du franco à l'anglo sans cesse. Là, on termine le palmarès de la période du 22 juillet au 4 août 2013. Tout à l'heure, il y aura André Papanikolaou avec How Will This End qui descend de deux places en 15e position. Mais pour l'instant, on va aller écouter David Bowie avec How Does the Grass Grow qui descend également de deux places à la 16e position. Ben, c'est comme un chiopette, là. Tu verses de l'eau dedans, ça pousse tout seul. Ben, disons, c'est pas compliqué. Comme de la vache. Ou de la litière. Ça, j'ai déjà fait la blague de litière. Ouais. Litière monde. Ouais. Elle était tellement bonne, troisième fois. Litière monde. Ben, écoute, on stand pas. On stand pas. Struggle with our guns, but you still love me. If the guns could go back. 15. Change a single thing, or let things play out as they did. Well, you don't know, you don't know. No, you don't know how this will end. 'Cause we can't buy what the future sells, or trade on what the past has did. Now, thought that was a lie, 'cause I ain't learned a single thing. I keep repeating everything, and I don't know, I don't know. No, I don't know how this will end, 'cause we can't buy what the future sells, or trade on what the past has dealt. Pills than advice. I feel like shit, but I look alright. And I ain't heard what you've been saying, but at least I kill the pain. And I don't know, I don't know. No, I don't know how this will end. 'Cause we can't buy what the future says, or trade on what the past has dealt. Start it out brand new. C'était André Papanikolaou avec How Will This End, position numéro 15, qui descend de 2 places. Et en 16e position, qui descend également de 2 places, David Bowie, All Does the Grass Grow. Ouais. Hey, il y a quelqu'un qui a laissé un tampon. Un tampon dans le studio. C'est quoi ça? On sait jamais quand ça peut arriver. On saura jamais. Sur la plage, c'est normal. J'ai comme j'ai mon détecteur, évidemment. Mon de métal? Ben oui, mon détecteur de métal. On sait jamais que on peut trouver un écu. Que je, oui, un écu ou quelque chose qui va proche de là. Hein? Une ceinture de chasteté. Oui, si on veut, de chasteté. Chasteté. Exactement. J'allais faire un jeu de mots avec mon truc pour trouver le métal. Comment t'appelles ça? Un détecteur de métal. j'allais dire que mon surnom, c'était l'auto-tamponneuse. Vu qu'il trouve des tampons, t'sais. Auto-tamponneuse. Ah! Est-ce que ça vaut la peine que je le marque? Pas vraiment. OK. Je trouve pas. Bon, ben je la trouve quand même bonne. D'accord. Pas si pire. Merci, premièrement. T'sais, merci, je l'apprécie énormément. Oui. Mais ouais, je suis pas sûr. Il nous reste encore assez de temps dans cette première heure pour entendre une dernière petite pièce. On s'en va avec la position numéro 14. Ça monte de 4 places. C'était nouveau la semaine passée. Belle montée, donc, de Damn Truth avec Montreal. Puis auto-tamponneuse, c'est pas vraiment un jeu de mots. Non, c'est ça, c'est juste un fait. C'est un fait. Tampon, non, ça s'écrit de même. Ouais. sad. She said, maybe you just like to be mad. He said, that's not true. I may be dark, but I ain't blue. She said, you just got to let it go. She said, this can't go on anymore. He said, I try. Nice to know you. Goodbye. Oh, Montreal. Chew me up and spit me out. You're rock and roll. The Damn Truth, et la pièce Montreal. C'était nouveau la semaine passée, ça monte de 4 places. Pour atteindre la 14e position. Yeah. Ta-tan. Ta-tan. Ah, c'est la fin de la première heure d'Assemblage Requin à la plage pour cette semaine. Oui. Il nous en reste 3. Il faut pas lâcher. 3 quarts de fête. Attends un peu. Je suis très comme le père de Stéphanie. 25%. Wow! Hey, hein? Bravo. On pourrait être comptable. Ouais. Mais juste, juste quand c'est sur des horaires de 4 heures. C'est ça. Dans une boîte peut-être de M&M ou Smarties, je pourrais peut-être te compter, te dire le pourcentage. Hey, peut-être. Là, tu me parles de M&M, puis je me suis rendu compte que je me suis acheté un sac de M&M, puis que je ne l'ai pas encore mangé. Tu es allé chez Bog Bun? Non. Ah, quand même. Non. On veut pas faire de pub, sauf que trop tard. Que, c'est fait. Venez nous porter notre argent. Oui. Et nos bonbons. Mais Colin qui a c'est le fun. Ah, oui. Ça, puis est-ce que c'est avec toi que je parlais des Kit Kat Chunky? Oui. Ah, oui. Et on la comparait avec la perfection. Avec la perfection, c'est-à-dire mon entregent. Et on appelait ça une Kit Kat Chunky. Je l'avais écrit parce que je voulais la faire en nombre, j'avais oublié ça. Et noir. Oh, drôle. Ça finit bien là-dessus, c'est drôle. Oui, c'est drôle. On reviendra après avec le reste de l'anecdote parce que c'était drôle, fallait finir là. Oui, c'est bon. On va pas continuer longtemps parce que la blague est là. Elle est juste là. C'est fou dans vos oreilles. 89. Vous êtes toujours ensemble à Jockey à la plage pour la semaine du 29 juillet 2013. Les Jean-Philippe Charbonneau. Et il est Mathieu Plante. Et Stéphanie Paradis n'est toujours pas avec nous. Par contre, elle a bien aimé la blague de Kit Kat Chunky devant la pause. C'était une blague, évidemment, de Kit Kat Chunky, mais qui se comparait très bien à la grandeur d'un entregent. D'un entregent. Avant de faire la blague, il était en train de nous raconter quelque chose, mais ça finissait tellement bien qu'on devait passer à autre chose là. Mais continue là, c'est quoi ton allée là? Kit Kat. Kit Kat. T'es allé magasiner des Smarties? Ben en fait, c'est tout. C'est vrai, c'est pas fini. Oui, c'est ça, c'est pas des Smarties, c'est des M&M. OK, first. Donc tu m'écoutais pas, visiblement pas. OK, excuse-moi. Puis après ça, quand on est passé au Kit Kat Chunky, ben je suis passé au IGA, puis il était en spécial, 99 cents. J'en ai acheté deux. Hey, le suspense qu'on a créé. Ah, oh, écoute, c'est incroyable, sur une anecdote anecdote même. Pas yable. Non. Ouais. Wow! C'est là, on l'a... La grosse radio, ça. Ouais! Ah. On aime ça de même. Donc, toujours Assemblage Requis, oui. Et avant de continuer avec notre prochaine chronique, ça va être Simon Fidibé. Et sa carte postale musicale. Mais avant ça, on est rendu à la 13e place. On s'en va écouter We Are Wolves, que j'aime bien, avec la pièce qui s'intitule Sun. Sun! Sun! Le soleil se lèvera! Parce que j'avais pas échauffé ma voix. Okay, ouais. C'est ça. Oh, oui. Ça a été parfait. Kit Chunky! Sun, the sun will see all the colors inside of me. They are fading. Wolves, nous sommes Lou et Sun, qui descend d'une place en 13e anglophone. Le soleil se couche d'une place. Oh, cute, hein? C'est romantique. Wow, c'est beau, hein? C'est presque aussi beau que quand tu prends ta grande voix de Simon Fitzbé avec la carte postale musicale. On reçoit, comme à chaque quelques semaines, un envoi spécial par colis recommandé de Simon Fitzbé, qui est en direct de ses vacances. Mais c'est normal, le courrier prend des fois quelques semaines à arriver. Là. Ben dans ces pays-là, hein? Les Caraïbes, je pense. Les Caraïbes, c'est ça. Sur l'île déserte où Simon est. Avec son ballon. Oui, c'est sûr que le courrier passe pas tous les jours. Mais moi, je pense qu'avec le retard, sûrement qu'à la fin de l'été, on va avoir plein de back-order, tu sais, genre... Ah oui? Toutes les lettres du début de l'été vont commencer. Parce que là, on les reçoit sûrement à délai, je pense. En tout cas, c'est ma théorie. Ça se peut. Ça se peut. On y demandera quand tu seras de retour. Et voilà, très bientôt, je l'espère. Et vous l'espérez aussi. Donc, la carte postale musicale, c'est comme toujours Jean-Philippe qui prend la voix de Simon. La magie. Magie. Ah, la magie des ondes et des fêtes, hein? Ben oui, mais là, tout le monde pensait que j'étais Simon. Excuse-moi. Bon. Ça aurait été plus crédible si on t'avait fait appeler par téléphone comme la semaine passée. Hein? Oui. On a oublié de le refaire. Hein? C'est drôle. C'est vrai, oui, c'était drôle. On le fait-tu? Ben, trop tard. Un peu tard. Ben, laisse-moi juste ouvrir. J'ai rajouté un son. J'ai okay. Juste ouvrir l'enveloppe. Et je baisse la trame. Oui. Oh! Wow. On a un colis de Simon. Oh, ça sent bon en plus. Il nous a mis un peu de sable. Donc, je l'ouvre et ça va comme suit. Salut les gars. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super. Comme Oshiaga. Super sans plomb. Super C. Superman. Hey, c'est ouais. C'était le tien, celui-là, tantôt. Ouais. Ouais. J'en ai trouvé deux. T'en avais trouvé juste un. Dans la pratique, tantôt, ouais. Avant l'émission. Dans général. C'est ça. Oui, sauf que là, ça nous montre que la carte postale, en fait, n'est pas arrivée à délai. Puisqu'il dit, comme Oshiaga se déroule à guichet fermé la semaine prochaine, okay. J'ai choisi de vous présenter trois groupes artistes que vous devrez essayer de voir si jamais vous en avez la chance. Il ne s'agit pas d'artistes qu'on retrouve en tête d'affiche, mais plutôt d'une sélection que j'ai faite à partir du bas de l'affiche du festival. Ah, on est là pour ça. Comme ça, je ne risque pas de rentrer en conflit avec les chroniques d'une autre, Justine. Ah, genre... ben! Ah, ça, c'est une pin, hein, là, il est fort, ses pins. Ouais. Mm. Puis là, il y a un petit bonhomme qui fait un clin d'œil, d'où mon... Ah, OK! C'est pas ça, je pensais que t'appelais un écureuil, mais... J'aimerais vous avertir qu'il s'agit d'une sélection variée. On débute le tout... avec un coup canon sensationnel. Il s'agit de la formation britannique The AV et la pièce All You Like Me Now, une pièce qui se retrouve sur leur album The House That Dirt Built, lancé, oui, en 2009, et que j'ai eu le plaisir de tourner quand j'étais à la tête de l'émission du matin. Assez fou, 89.1 FM. Le bon vieux temps de On s'appelle et on déjeune. Eh oui. C'était de janvier à avril 2010, si je me rappelle bien. Peut-être février. Je pense que les vacances le rendent nostalgique. Je pense que oui. Simon. Donc, la pièce a été pas mal récupérée par les pubs et les bandes annonces de films depuis ce temps-là, mais je considère encore cette chanson comme une des meilleures du groupe. C'est également l'avis de David Letterman, qui avait été franchement impressionné par le groupe lors de leur passage à son émission en 2009. Évidemment, David Letterman, c'est le grand facteur reconnu, là. David Letterman. Letterman! c'est noté. Tellement impressionné, c'est David Letterman qui leur a demandé de jouer justement All You Like Me Now. À son talk show, évidemment, pour ceux qui n'auraient pas compris la blague. Ben oui, c'est ça. Ce printemps, alors que le groupe était là pour faire la promotion de leur nouvel album. Oui, ensuite, nous avons Paradise par Wide Nothing. Une pièce aux accents shoegaze. Shoegaze, moi. Hein? Shoegaze? Shoegaze. Shoegaze? Shoegaze. Shoegaze. J'ai compris Shoegaze, c'est pas ça qui est écrit. Qui pastiche à merveille la pop de chambre des années 1980. Cette pièce est tirée de l'album Nocturne que la formation a lancé en 2012. Il s'agit d'un album fort intéressant qui mérite d'être découvert. Le groupe a également lancé son EP Empty Estate en 2013, si jamais vous vous en demandez encore. Mm-hmm. Nous terminerons avec l'excellente Anna Georgia, une jolie britano-colombienne, sera également de la partie pour Oshiaga. Je vous suggère la superbe pièce Enemies, tirée de son album homonyme, lancé l'année passée. Fait intéressant, c'était sur le palmarès quand c'est sorti. Voilà, ouais, c'est vrai. Et ça y est, voici ma shortlist pour Oshiaga. Bon week-end, les gars, et tant pis pour Steph, elle n'est pas là. Une autre pin, une autre pin. La carte postale musicale de Simon Fitzbay. Évidemment, Jean-Philippe va nous rappeler ce qu'on a entendu. Oui, on a commencé avec All You Like Me Now de The AV. On a eu Paradise, Wild Nothing et Enemies, chanté par la sulfureuse Anna Georgia. Oh, sulfureuse! Ouais! Su choisir des bons mots! Ouais! C'est beau ça. Donc, on remercie Simon. On le retrouve évidemment. Ben, c'était une belle sélection. Oui! Un peu plus court que d'habitude, mais on a eu le temps d'écouter bien les chansons. Plus punché, tu sais. Ouais. Plus punché, contrairement à d'autres artistes qu'on pourrait écouter, mettons, hors ronde par moment pendant que d'autres chansons jouent, oui. Qui n'ont absolument aucun talent, mais que personne n'ose leur dire. Je me demande si, honnêtement, leur famille est capable, tu sais, de vraiment dire qu'honnêtement, il aime ça. Ouais, mais ça, on parle pour les gens que quand des fois c'est dur à écouter, c'est. Des daltoniens d'oreilles, si on veut. Des daltoniens d'oreilles. C'est pas si bon, c'est pas bon. Mais on parle pas de la carte à Simon, rappelons-le. Absolument pas. Des fois, on aime bien rigoler entre deux. On écoute sa musique quand même, mais par moments, ça peut arriver que. Qu'on décroche à cause d'une personne en particulier. Oui. Qu'on nommera pas, évidemment, parce qu'on veut pas être associé à cette personne-là qui nous a envoyé ce lien-là. Je sais pas si on peut se permettre d'avoir quelqu'un avec aussi peu de goût dans notre environnement. Mais bon, on dit pas c'est qui. En tout cas, ça se peut que les liens d'amitié sur Facebook soient réduits. Ta relation va passer à It's complicated. Cette personne-là. Mais on dit pas c'est qui. Non. C'est un inside, puis ça va rester de même. Bon. Parfait. C'est rare qu'on passe aussi autant longtemps. Autant longtemps, mais en même temps, les gens vont aimer ça. Je connaissais tous des gens qui ont pas de talent, puis que vous osez pas y dire parce que vous êtes trop lâche. Bon. Ouais, puis des fois, c'est plus facile de dire comme moi, ouais. C'est parfait ce que tu fais, mon homme. Parfait. Oui, mais tu m'encouragerais-tu à m'acheter un CD? Ah, non, il n'y a pas d'argent. Je suis tellement sur débit à cette heure que si t'as pas de terminal dans les fesses. Hein. donc, on prend une petite pause, on revient avec plus de musique. Et la chronique King Sexy Time parlant de fesses. Voilà. C'est fou avant tout le monde. La musique de demain, aujourd'hui, 89.1 FM. Ça dit quelque chose, ça? Feliz Navidad. Oh, pour vrai, hein? Oh, c'est Noël au mois d'août. C'est, oui, c'est le non-Noël du campeur. Et voilà. On est toujours en direct du Tout Inclus, le resort de C'est Fou. C'est là qu'on anime tout l'été pour encore quelques petites semaines avec Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Oui, c'est Assemblage Requis à la plage. Oui. C'est le nom de l'émission. Oui. On a de la chance, la femme de ménage vient juste de quitter. Pourtant, j'avais dit do not disturb. Do not disturb, s'il te plaît, ne nous disturbe pas. Ne nous disturbe comme pas. Comme disent les Français. Oui, puis si on voudrait être un peu plus osé, on pourrait dire. N'est-ce pas? Oui, on sait où tu t'en vas. Oui, j'essaie de patiner. On sait où tu t'en viens, mais. Tu sais, t'en viens. C'est une blague de masturbation. Alors, donc, voici Kinky Sexy Time, parlant de ça. Kinky Sexy Time, c'est la chronique qui s'adresse, oui, à un public plus ou moins averti. C'est comme c'est un fait, mais c'est un petit peu plus osé, je dirais. Mm-hmm. Ça décrit bien la chose. Mm-hmm. La chose est le nom qu'on va utiliser pour remplacer pénis. Oui. Commençons avec le fait que le sexe oral était illégal au Canada jusqu'en 1969. Drôle d'année pour choisir d'enlever ça, je trouve, personnellement. Mais oui, j'ai vérifié sur le site d'un petit site qu'on appelle Wikipedia.org. Il y a une page qui s'appelle l'âge de consentement. C'est consentement qu'on dit? En Amérique du Nord. Consentement, oui. Ouais. Ages of Consent in North America. Et c'est vraiment vrai que c'est en 1969 pour le sexe oral. C'est arrangé avec le gars des venus. Le gars des venus! Un grand-père de 81 ans de Suisse est tombé d'un arbre et est resté dans le coma pendant 4 jours et il est devenu accro au sexe après s'être réveillé. T'sais, c'est déjà juste peut-être trouver une excuse. Ben, ça ressemble à ça. Ben, moi, c'est ça que je ferais. J'avoue. C'est pas de ma faute, c'est ma maladie. Ça me rappelle on peut pas parler de 19-2 parce que les gens l'ont pas encore nécessairement vu la deuxième saison. Hein. Ben là, s'ils l'ont pas vu. En tout cas, ça finit exactement de même. C'est juste sur l'anecdote, c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai. Ma maladie. Oui, c'est ma maladie. J'allais dire qu'il y a quelques années, même pas un an, je me rappelle avoir fait un fait dans C'est un fait où un joueur de football avait eu un coup sur la tête, mais très, très, très intense, très, très fort. Il est allé à l'hôpital et quand il est revenu, et pour vrai, ça a l'air vraiment bizarre, dit de même, il est revenu et il était gay. Non! Oh! Il est devenu coiffeur gay. D'un coup sec. C'est le cerveau. C'est le cerveau est arrangé différemment selon certaines personnes, selon ta personnalité. Dans le fond, ça définit ta personnalité. Et ça peut changer avec des coups comme ça. C'est quelque chose. Donc, tomber dans un coma, c'est réveiller accro au sexe. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Étrange. D'ailleurs, drôlement placé, parce que ça nous mène directement au sujet de l'homosexualité, le comportement homosexuel est retrouvé dans plus de 1500 espèces d'animaux. Et l'homophobie est seulement trouvée à l'intérieur d'une espèce d'animaux. Je sais pas si c'est l'humain. Ouais. D'après moi, j'aurais cru. Ça a l'air flou par le texte, mais je pense qu'on peut s'inclure dans les animaux. Ben, c'est un ou deux. Un ou deux, si ça nous compte ou pas. J'aimerais bien savoir, par contre, c'est qui si c'est pas nous. Un homme qui est positif sur un test de grossesse. Si tu fais pipi sur un petit bâtonnet de grossesse, ça pourrait indiquer un cancer des testicules. Ah! Tu vois, t'en parles, puis je m'écarte les jambes. C'est ça. En Rome antique, les mariés, les femmes mariées, s'assoyaient sur une statue d'un dieu, phallique, statue phallique. Donc, un dieu qui avait une érection. C'est vraiment littéralement une statue de dieu avec une érection, d'un dieu. Pour, dans le fond, être la première offrande de leur virginité. Ils offraient leur virginité à ce dieu-là. C'était en Rome antique. Dieu dildo. Oui! Le fameux dieu. Dildo. Dildo. Dieu le dos rond. Les mères dans la tribu chinoise Manchu. On connaît Fu Manchu, mais on connaît pas Manchu dans le sens. Donnaient des... blowjob! À leurs enfants, c'était un signe d'affection. Oui, t'as mon petit, m'a donné un blowjob! Je ressens un profond malaise avec cette nouvelle. Eux aussi ressentaient un profond... un profond malaise. Mais, tu sais, je me... Non. Pause. Passe. Suivant. En 2008, la Hollande a voté le mot « Swaffelen » comme mot de l'année. Je sais qu'on a déjà parlé de ce mot-là, mais on a plus de détails ici. Là. C'est frapper son engin masculin contre quelqu'un ou quelque chose. Je pensais que c'était seulement quelque chose, mais c'est de frapper son engin contre quelqu'un ou quelque chose. Quelque chose qui peut ressembler à ça. Oui, c'est testing. C'est mon engin. C'est swaffling. Comment? Swaffelen. Swaffelen. On parlait d'une mariée tantôt. Donc, le mot marié vient du vieux mot, du vieil anglais qui voulait dire cuisiner, cook. Donc, vraiment, littéralement, une mariée, c'est supposé faire la cuisine selon les anciennes pensées, les anciennes façons de penser, si on veut. Ben, jusqu'à 2009. Moi, je viens d'apprendre. OK. Tu fais déménager. Oui, c'est ça. Part à neuf, actif. Ouais. Yes. Les femmes dans certains pays vont mettre de l'herbe dans leur engin, vous savez, pour faire semblant d'être vierge, parce que l'endroit va, enfler et va saigner pendant les relations sexuelles à cause de ces herbes-là dans leur entrejambe. Bien cuit. Saignant bien cuit. Bien oui. Mais faut pas que tu mettes n'importe quoi. Là. Non. Tu peux pas mettre de l'ortie. L'ortie? Oui, c'est le gars qui a tué des gens à l'Assemblée nationale. L'ortie, Denis l'ortie. Non, la petite plante, c'est parce que c'est des feuilles très piquantes. Ah! Tu y touches, c'est comme... Ça te pique. C'est comme disent certains du jalapino, sauf qu'à la place, c'est de la jalapine. Jalapine. La petite lapine, c'est comme une chatte. Ouais. Jalapino. Les prostituées du 16e siècle en Angleterre, oui, rasaient leurs poils pubiens et ensuite portaient des moumoutes pour entre gens féminins. Ça s'appelle des merkins. Ah! Littéralement. Tu sais, on se rappelle que les gens se lavaient pas, puis il y avait des maladies dans leurs cheveux. Pas des maladies, comment t'appelles ça? Des poux. Des poux sur leur tête. Et ils portaient une perruque, etc. pour ça. Mais ils faisaient la même chose pour l'entre-gens féminin. Chez les prostituées. Une femme, disons-le, réussit à confondre son docteur en lui faisant semblant qu'elle pouvait accoucher de lapins. Parce qu'elle mettait des lapins dans son entre-gens et leur donnait naissance devant son médecin. Tu sais, c'est une méchante triple, tu sais. Mets des lapins dedans, m'envoie chez le médecin, à plouc, tu sais. Ça a commencé autour d'une bière. Ah, pas game. OK, tu vas aller chez ton médecin, puis il va avoir des lapins que tu vas avoir préalablement mis. Qui vont sortir de la lapine. Ouais, ça va être, OK, t'es pas game. Puis, tu sais, la fille, juste te dire, ben froidement, ben, OK. Pourquoi pas, ça va faire du bien. Ah ouais. Poilu, tu vas avoir des poils, là. Ensuite, c'est toujours dans la chronique XXI, public plus ou moins averti pour ceux qui arrivent en cours de route. En date du 31 juillet, hier, mercredi dernier, si on veut, c'est la journée nationale de l'orgasme. Ah, là, avoir su. Fait qu'insérez-vous un lapin, puis plouc, plouc. En 2004, une femme a été emprisonnée dans un aéroport d'Athènes parce que sa ceinture de chasteté a fait aller le détecteur de métal. OK. C'est que c'est encore des aventures, oui, des couples... avec une grande confiance. Oui, grande confiance règne ici. Pour attirer les hommes, certaines jeunes femmes de l'Ouganda ça nous rappelle un petit peu le fait de tout à l'heure avec les herbes, parce que ça parle encore d'herbes dans des endroits bizarres. Là. Pour essayer d'allonger ce qu'on dit de l'habillat, leur lèvres du milieu. Donc, ils font un mélange d'herbes pour essayer d'allonger leur... c'est en Ouganda. C'est ça. C'est à peu près ça. Après les femmes girafes, les femmes avec... Ça, long. Ça, long. Ouais. Un J'aurais dû chercher le nom en français, là. Désolé, c'est mon erreur, mais biginiste. C'est un homme qui a des relations sexuelles avec deux femmes. Alors qu'un biviriste, c'est une femme qui a des relations avec deux hommes. Donc, tu sais, bigame, la bigamie, etc. Ouais. Il y a des sous-branches. Bigamie homme, bigamie femme, c'est biginiste et biviriste. À peu près, mais là, c'est en anglais, fait que chercher pour la traduction en français. Et en Colombie, finalement, une femme ne peut avoir des relations qu'avec son mari. Et la première fois que ça arrive, sa mère doit être dans la même pièce pour être témoin de l'acte. En Colombie. Cool! Ah ben écoute, c'est ce que ça dit sur Internet, là. Le premier commentaire, c'est un mensonge. Mais en tout cas, je le crois parce que c'est sur Internet. C'est la philosophie derrière la chronique. Oui, c'est ça. Intéressant. Moi, je me marierais pas. C'est peut-être dans certaines places en Colombie. C'est des fois. Mais c'est dans la chambre déjà. Ouais, c'est ça. Place. Drôle. Mais peut-être que c'est dans certaines localités. Peut-être. C'est peut-être très. Ouais. D'habitude, les faits partent pas mal d'une vérité, donc. Je peux pas dire que c'est peut-être un petit peu vague comme fait. Donc voilà pour Kinky Sexy Time. C'était bon. Cool. Ouf. Hein? Moi, j'ai besoin d'une cigarette. Ouais. C'est ça. Tu me dirais thank you very much, thank you, parce qu'on s'en va entendre The Danks. Oui. Là, je pourrais dire c'est un bel été pour s'aimer. Summer Levin. Oh, wow. Ah. Hey, hein? Wow. Je l'ai pas vu venir. On l'a fait à chaque fois, ça, je pense. Oui, je pense que oui. C'est la 11e position. Ah, 11, comme deux personnes debout en train de. C'est un égal. C'est quasiment un hashtag. Oui. Tweet. Summer Lovin, ça monte de 9 places, 11e position anglophone. C'était nouveau la semaine passée, ça. Mm-hmm. Tu sais? Brand new shit. Oui, puis ça monte vraie fusée. Tu sais, la moitié du palmarès d'un coup sec, là. Ah, whoop, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Non, il faut du talent pour ça. Là. C'est pas comme certains autres, quand encore une fois, on nommera pas qui ont pas de talent. Mais bon. Hey, on arrête de parler de ça. Il nous reste une autre pièce avant de revenir avec une chronique. En fait, je me demande ce qu'on va faire. Je sais pas, j'ai envie de faire un petit son foutu palmarès. Ben moi, j'aime bien ça. C'est le fun, ça. Ouais. Mais pour l'instant, on s'en va entendre la prochaine position. Laquelle, déjà? C'est ben le numéro 10. Imaginary Cities. Sooner or later. Voilà. À tantôt. À tantôt, Mandoul. Good man love. Ha. See ya. Soon. Soon. late. Hashtag la nuit nous appartient. <Et bon. rire> C'était Imaginary Cities et Sooner or Later qui monte de 9 places. Donc, ça a franchi la moitié du palmarès depuis la semaine passée où c'était une nouvelle entrée en 19e place sur l'album Fall of Romance. Tout à l'heure, il y aura MSMR, Miss Mister avec Bones en 9e. Mais avant ça, on embarque dans un petit palmarès. Voici son foutu palmarès. Je qui est le fun, j'ai eu le temps de t'avertir, puis t'as eu le temps de finir ton appel téléphonique tellement l'intro est long. Ben, c'est parfait. C'est quand même le fun. Mais en même temps, j'ai raccroché rapidement parce que je l'aime. Antoine. Non, l'Antoine. Ah. L'intro. Ah. Je pense que tu l'aimais, fait que tu voulais le laisser partir. Ah non. C'est libère ceux que t'aimes. Oui. Donc, le palmarès qu'on fait aujourd'hui dans son foutu palmarès, où on vous présente une liste de quelque chose, c'est les choses les plus fatigantes que les filles font. On va en profiter, il n'y en a pas en studio. Tu sais, c'est le moment. C'est rare que ça arrive. Même Justine n'est pas là, elle qui est d'habitude pas mal fiable. Là, elle n'est pas là. C'est un spécial mâle. Ouais, testostérone. Donc, allons-y avec la première chose qu'on déteste que les filles font, c'est juste d'être une petite fille à papa. C'est genre que son père fait tout pour elle, tu sais. Mm-hmm. C'est plate à un moment donné, une fille à papa. Ouais. C'est le même. Il faut qu'on soit l'homme numéro un dans sa vie et non pas son papa. Ouais. Bon. Ensuite, les choses que les femmes font que les hommes détestent, c'est partager votre vie sexuelle entre amis. Ah! Tu sais, prochaine chose que tu sais, genre, tu rencontres une de ses amies, puis ah ouais, puis tu sais, comment va telle affaire que, tu sais, finalement, c'est super. Ah, c'est lui qui a une Kit Kat. Kit Kat Chunky. Exactement. Donc, non, amusez-vous pas avec la vie sexuelle de votre couple. Une fille qui montre trop de peau. C'est pas moi qui ai fait le palmarès, mais une fille qui montre trop de peau, apparemment que c'est. On n'aime pas ça, les gars. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais en fait, c'est pas. Moi, je pense qu'il faut le voir plutôt que. C'est quoi le palmarès? C'est le palmarès des choses que les femmes font que les gars détestent. Ah! C'est ça, moi, je me serais plus dit, bah, tu sais, peut-être la fille que tu fréquentes, qui montre trop de peau, peut-être. Ta blonde. Non, je pense que c'est peut-être en public, en tout cas. Ouais. Ça m'a l'air d'être plus en public. On va, c'est un peu en jaser, mais c'est vrai que dans la vraie vie, tu sais. Bon. Il faut être fier de sa blonde. Ah ouais. Bon, si les gars se mettent à la regarder parce qu'elle montre trop de peau, ben c'est ça. Ensuite, la fille qui a trop d'émotions. C'est celle qui pleure tout le temps quand elle est fâchée, qu'elle pleure quand elle est fatiguée, quand elle pleure quand elle est frustrée, confuse, n'importe quoi. Non, gars, t'es adulte, là. Oui. Passe à autre chose. Celle qui porte trop de maquillage. Mm-hmm. Parce que moins de maquillage, c'est mieux. Puis, on peut aussi y aller avec les deux. Celle qui pleure trop et qui a trop de maquillage. Et que ça défait son maquillage. Là, ça défait son maquillage. Ça fait du dégât. Ouais. On n'aime pas ça. Ouais. Celle qui te gêne devant tes amis. Tu t'es en gars, puis là, elle passe un petit commentaire que c'est gênant. Ouais. Juste, c'est gênant. Bon, faites attention. Quand t'es pas capable de comprendre une blague ou qu'elle prend une blague trop au premier degré, tu sais, mettons, tu fais une blague sur son comportement. Tu sais, évidemment, ici, je dirais rien parce que ce serait comme de rire d'elle en nombre. Mais tu dis quelque chose qui est supposé être drôle par rapport à elle, puis elle prend trop sérieusement. Oh, ben là, t'as pas l'affaire à dire ça. C'est fatigant. Mm-hmm. Quand elle est trop dramatique. Oui. Ça arrive, une drama queen, on n'aime pas ça, une caractéristique un petit peu déplaisante. Celle qui magasine trop, celle qui dépense son argent peut-être si vous avez un compte conjoint qui dépense son argent, pas le fun. Ou qui est jamais à la maison parce qu'il est tout en train de magasiner. Non, on n'aime pas ça. Puis encore une fois, moi je rajouterais mon propre petit point, de voir tous les vêtements qu'elle achète. Puis qu'ils sont pas portés. Ou portés juste une fois. Oui, puis elle les porte pas sur ma garde-robe, elle les porte pas. Non, j'aime pas ça. Celle qui prend trop son temps. Par exemple, se maquiller, se préparer le matin. Des fois, je suis supposé arriver à un endroit, à une certaine place. On a un rendez-vous commun, quelque chose. On arrive 10-15 minutes en retard parce qu'elle prend trop son temps. C'est pas le fun. Celle qui est trop jalouse. Évidemment, c'est beau la jalousie parce que ça montre que t'aimes l'autre personne. Là. Oui, mais en même temps, des fois, faut relativiser. Là. Mm-hmm. Quand t'es tout le temps en train de jacasser, de faire sa mémère. Mm. On n'aime pas ça. Fatiguant. Sinon, quand elle s'accroche trop, elle est trop dépendante affective. Elle peut pas vivre sans toi, elle peut pas aller se coucher sans toi, n'importe quoi, des trucs comme ça. On n'aime pas ça. Faut que j'aille aux toilettes, peux-tu venir avec moi? Décroche. Et puis sinon, tiens, je vais aller avec le dernier. Quand tout ce qu'elle veut, c'est ton argent. Je peux pas savoir de quoi elle parle, mais... Quand tout ce qu'elle veut, c'est ton argent. Ouais. Pour les riches. Donc, c'était le palmarès des choses que les gars n'aiment pas que les femmes fassent. Vous le savez, mesdames, vous êtes averties. C'est dit. Voilà pour son foutu palmarès. On va terminer cette heure-là ici. En fait, on va terminer la première moitié de l'émission parce que déjà, on va embarquer dans l'heure numéro 3 dans quelques minutes. Mm-hmm. Dans la troisième heure, on aura entre autres la chronique, les instructions d'assemblage. Mm-hmm. On aime ça. Ouais. Fait qu'on soit un autre top plus tard, on verra aussi. Oh, écoute, on freestyle. Freestyle it dans la troisième heure d'assemblage requis à la plage. Restez là, ben pour l'instant, on prend pas. Ben ouais. On l'a mérité. On dit, ben oui. Fait chaud. Trop chaud. Troisième heure d'Assemblage Rocky à la plage pour la semaine du 29 juillet 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Toujours sans Stéphanie Paradis. Par contre, tantôt, on faisait Kinky Sexy Time. Et Simon, de nous écrire. Simon, évidemment, Fitzbay, notre préféré de tous les Simons. Ah oui, facilement. Facilement. Parce qu'on en connaît d'autres, c'est pas des prefs. Donc, il nous a envoyé un autre petit fait pour Kinky Sexy Time. Et je trouve que c'était vraiment intéressant. Ben oui. Dans le fond, ce qu'il nous disait, c'est qu'il a appris ça dans un de ses cours... d'histoire du 16e siècle. C'est qu'au Moyen-Âge, les parents des deux mariés étaient présents dans la pièce parce qu'on va le rappeler, ce qu'on disait, c'est que la mère... c'était Ouganda. En Ouganda, la mère devait être présente lors de la première relation sexuelle. Ça, exactement. Quand ils se sont mariés. Donc, lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'au Moyen-Âge, les parents des deux mariés sont là, donc ça fait quatre, étaient présents dans la pièce pour la nuit de noces. Et le drap était ensuite attaché à la fenêtre pour montrer à tout le monde que c'était bien et bien la première fois qu'elle avait une relation sexuelle. Wow! Intéressant. Est-ce que c'était... j'imagine que c'était à l'époque du clergé fort qui devait absolument être marié pour avoir des relations puis qu'il n'y en a jamais eu avant, etc. Fait que c'était la preuve de tout ça. Ben, wow. Moi, ce que ça me rappelle, c'est que quand j'étais en appartement à l'université ici, j'avais pas de rideau. Donc, j'ai accroché un drap avec du sang dessus, ça a l'air de même. Wow. Ouais, c'est comme ça. Aïe. Non, mais j'ai fait ça, puis là, je réfléchissais. J'étais là, hey, toutes les gens, il y a plein de gens qui font ça, là, accrocher des draps. Ils ont tous servi à d'autres choses, ces draps-là. Mais que... si jamais il fallait qu'on leur apprenne ça, et maudit. Ils tomberaient d'eau. Les draps sont jaunis un peu. Ah. Donc, on remercie Simon pour ce fait-là. Et encore une fois, number one de tous les Simons qu'on connaît. Yes. Yeah. Peu importe l'épellation. Ouais. Donc, on retourne en musique. On s'en va entendre la position numéro 9 du côté anglophone, bien sûr. Oui, Miss Mister, comme on disait juste avant cette petite interlude de pause. Publicitaire. Miss Mister avec Bones. Puis après ça, c'est les instructions d'assemblage. On va vous montrer comment vivre votre vie. Pareil comme vos parents qui vous diraient « Hey, force dans... plus du milieu de ton corps. » Les bras, tu sais. Da chunky. Da chunky. Ouais. Force-toi la kékette chunky. Puis insère ça dans son emballage. Voilà. Non, on comprend plus ce qu'on veut dire. Non. Pause.

C'était Pretty Boy de Young Galaxy, position stable en 8e du côté anglophone, bien sûr. Maintenant, Jean-Philippe. Oui, monsieur. Tadam! Tu cherches la réponse à la vie. Oui. Qui est 42 en passant, selon Google. OK. J'en ai d'autres pour toi. Dans la chronique, les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Agitez fermement sans trop brasser. Étape 2. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Qu'est-ce qu'on a dit à ce meilleur-là? Ben là, t'as pas écouté ça? Travail, man. Ben oui, c'est ça. Boulainer. Il me semble que c'est facile. Donc, la chronique, les instructions d'assemblage où on vous présente les réponses à vos questions. À la vie. À comment la vie fonctionne. Mathieu, je suis assis. J'ai un cahier de notes en main. Vrai. Je le vois. Apprends-moi. Donc, premièrement, tu te demandes la réponse à comment réussir à aérer ma console de jeux vidéo, par exemple une Xbox 360, PS3. Oui, hey, ça, j'ai vu plein de... Tu sais, des fois, tu vas sur des petits forums, puis là, tu vois plein d'ordi, là, des gamers là, vraiment intenses. Le pire... Ben, vas-y, je te laisse le dire, puis je te dirai le pire que j'ai vu. OK, parfait. Ouais. On nous conseille de prendre des bouchons de bouteilles de 20 onces, donc des petites bouteilles quand même, et de les mettre en dessous de tes pattes de console pour l'élever un petit peu sur tous les côtés. Comme ça, l'air peut passer en dessous. Et voilà. Ah, c'est bien. Toi? Moi, j'ai vu le plus intense que j'ai vu. C'est un gars qui avait pris un refroidisseur à congélateur. OK. Et puis qui avait réussi à l'intégrer à même son sa tour qui était... C'est pas son ordi? Oui, la tour d'ordi. Oh. Fait que c'est ça. C'est quand même intense, là. T'sais, c'est fait pour refroidir jusqu'à genre moins 40. Là. Nous, en studio, on a une caisse de liqueur à l'envers. Ça va très, très bien. C'est dur à trouver par moment. Les autres ordinateurs en arrière sont juste à terre et ramassent de la poussière comme c'est pas croyable. Puis, il marchait pas le photo. C'est ça. Et l'autre fois, il marchait juste pas, l'ordinateur du co-animateur. Et un jour, on est revenu en studio et il marchait. Oui, mais écoute, j'ai travaillé jour et nuit pour le réparer. C'est ça. Je dormais, je mangeais. Tu l'allumais, tu l'éteins. Puis à un moment donné, ça marchait. Donc faites attention à l'air dans vos gadgets électroniques. C'est comme des ordinateurs, les consoles de jeux vidéo, donc faites attention à ça. Ensuite, on cherche tous un mot de passe sécuritaire. Vous le savez, salut bonjour le matin, ils vont nous dire de pas choisir un mot facile, t'sais. Ouais. Dorénavant, tout le monde est au courant, t'sais. Parce que quand tout le monde le disait dans le domaine informatique, personne ne s'en rendait compte, mais salut bonjour, maintenant le monde est au courant, t'sais. Ouais. Moi, je vous conseillerais de faire de votre mot de passe un but que vous avez dans la vie. Par exemple, mettons, vous avez comme but, je voudrais aller à Cape Cod, trouve-toi quelque chose de long. Aller à Cape Cod, manger des chips Cape Cod. Et voilà, bonne idée, j'aime ça. Et crée-toi un mot de passe à partir de ça, par exemple, les premières lettres de chaque mot. Et comme ça, à chaque fois que tu vas penser à ton mot de passe, tu vas te rappeler ton but dans la vie. En plus. Et tu vas vouloir travailler pour te rendre jusqu'à ton but. En espérant que ça soit pas ton mot de passe soit pas RIP. Rest in peace, mourir heureux. Oui. Ça serait ça, mais tu sais. Ça serait triste. Hein. C'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. La gasoline peut enlever les traces de caoutchouc, tu sais, les traces de rubber sur le plancher, les traces noires. Là. Gasoline, ça enlève ça. Un peu comme du liquid lighter va enlever les autocollants sur un gadget, donc un peu la même chose. Bon, du gaz. Évitez d'en mettre trop et de fumer pendant que vous faites ça. Oui, puis évitez de mal comprendre, mal vous rappeler, puis de dire il faut que je mette des gaz sur des traces, et puis tu vas péter sur ta trace de break. Ouais, puis là, tu mets des traces sur une trace. Et que là, en plus, t'as mis de la gasoline la dernière fois, puis là, en plus, t'es en train de fumer, tu vas exploser. Aïe, aïe. Lorsque vous mangez un gros hamburger qui est en train de se défaire en morceaux. Ah, ça, c'est fatigant. C'est fatigant, t'en as partout de la moutarde, c'est cuisses, toi. Mets ton hamburger à l'envers parce que le pain du dessus est plus épais et va avoir plus de soutien pour ton hamburger. C'est tellement évident. C'est bien pensé. Mais c'est si évident, mais faut y penser. Il fallait que je vous le dise. Toi, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu manges, mettons, tu prends le matin une toast au Nutella. Un hamburger le matin. Non, mais une toast au Nutella. Ouais, mettons. T'es-tu du genre à la manger? Le beurré vers le haut ou vers le bas? Tout le temps vers le haut. Je pensais que c'était à l'endroit. Ben, c'est ça, moi aussi. Puis je connais quelqu'un. It's complicated. qui mange par en bas. Puisqu'elle dit... il ou elle dit... la saveur du Nutella... Elle arrive en premier sur ta langue. Mais c'est du génie, pour vrai. Et quand tu l'as dit, je me suis dit, c'est sûr que la raison, c'est parce que le goût touche à ta langue en premier. Mettons du beurre. On s'entend que directement sur la langue, c'est delicious. Fait que du Nutella aussi. Voilà. Pour vrai, c'est du génie. Et même que moi, j'irais avec encore mieux que ça. OK. Toast. coupes pas, mais tu divises la section en deux. Ok. Okay. Nutella d'un bord. Ouais. Bird pin avec du beurre en dessous, l'autre bord. Ok. Tu me vois venir. Oui, à oui, place oui. de faire une tartine vers l'intérieur, une tartine vers l'extérieur. Je capote. Et là, j'ai le goût dans la bouche. Oh. Ah, hey, écoute, on peut arrêter l'émission là. Mmh. On arrête. Là. Mmh. Fini. Mmh. Oh. Hey Mathieu, c'était vraiment une bonne émission. Bonne émission quand même, ouais, je trouve. Ouais. Ouais, c'est cool. Je pense qu'il ne reste pas 1h45 à faire, mettons. Tain, non. Toujours dans la chronique, truc et astuce, les instructions d'assemblage. Si vous avez trop fait cuire votre bacon, votre bacon, ouais. trop cuit, OK, pendant que tu faisais ton déjeuner, tout cramé, défais-le en miettes, OK, grinde-le, OK, et mets ça dans ta salade. Ta salade. Oh. Ou encore dans tes œufs brouillés. Ouais. Des petites graines de bacon. Ah, on aime ça. Comment faire des bulles? Tu sais, des bulles, on aime tous ça, faire des bulles avec un petit gadget. Ça fait des bulles, tu sais. Oui. Tu veux faire des bulles impétables. 6 tasses d'eau, 1 tasse de sirop de maïs, 2 tasses de savon à vaisselle Joy. OK? Et ça va faire des bulles impétables de qualité industrielle. Wow! Industrial. Unpoppable. Ça c'est sur assemblage requis.com. Si, mettons, je me souviens pas de la recette, je suis en auto, là, puis là, je suis... Ne te tue pas pour nous. Oui. OK? Hein? Tout même est sûr. Ce serait une très bonne façon de mourir. Tout est sûr. Oui. Tout est sûr. Assemblagerequis.com. Génial. C'est dans la section instructions d'assemblage. Donc, je répète, pour ceux qui veulent prendre des notes et qui veulent pas aller sur Internet, 6 tasses d'eau, 1 tasse de sirop de maïs, 2 tasses de savon à vaisselle Joy, et ça va faire des bulles impétables. Je capote. Génial. Une autre chose géniale, tiens, un popsicle l'été, c'est bien. Oui. Okay? Mais un kiwi coûte pas cher. 1 plus 1 égale 2. Prends ton kiwi, tranche-le en tranches relativement minces. Bâton de popsicle dedans. OK? Trempe ça dans du chocolat. OK, fondu, mm-hmm. Fous ça dans le congélateur, popsicle de kiwi. Un peu. Oh, débile. Malade. On aime ça. C'est évidemment, tout est sur Internet. Là, c'est des sources multiples. Là. Je mentionne pas la source à chaque fois parce que ça deviendrait un petit peu gossant. Mais sur assemblagerequis.com, tout est là. Ensuite, des fois, on aime ça faire des crosses de la semaine. Hein? Oui. Crosses de la semaine, allons-y. La prochaine fois que tu fais un flat, oui. ou que tu vois quelqu'un qui a fait un flat, prends une photo du flat. Même pas besoin d'être ta voiture, là. Quand tu vas à la salle d'urgence, prends une photo de toi à la salle d'urgence, OK? Quand tu vas à une funéraille, prends des photos de toi à la funéraille, hein? Et maintenant, quand quelqu'un a besoin de toi et que t'es trop occupé, tu envoies la photo du flat. J'ai un flat, man. Je peux pas y aller, man. J'ai une funéraille, man. Tu sais, ça va te sortir de plein de situations parce que tu vas avoir pris des photos en temps et lieu. Faut prévenir au lieu de guérir. Toujours des photos. Je trouve ça vraiment croche. Oui, vraiment. Quand ta jambe ou ton bras s'endort, souvent c'est causé par des nerfs bloqués dans ton cou. Donc étire ton cou et ça va défaire ta jambe endormie. Une jambe endormie. Mais je trouve ça drôle comme expression. Oui, avec des fourmis en oui, oui. Tu sais que ça m'est déjà arrivé. Je vais te conter une anecdote personnelle. J'étais dans mon lit. Puis tu sais, je lis, mettons... Tu lis dans ton lit. Chose qu'on m'a dit de pas faire dans une, je pense, une chronique. Oui, si tu lis lis assis, parce que lire sur le dos, sur le ventre, c'est pas bon pour ton dos. On va en parler plus tard aussi. Ah ouais, mais en fait, c'est que pour bien dormir, ça, c'est ah, une oui, chronique pour bien dormir. 20 minutes avant, genre... Mais pas dans ton lit. Pas dans ton lit. Parce que ton cerveau, il va associer le lit à faire quelque chose de positif. Voilà. Faut que tu sois là pour dormir dans ton lit. Exactement. Donc, bref, j'étais dans mon lit, je lisais, donc je suivais pas tes conseils. Bah. Et puis, j'avais les jambes, tu sais, en indien. Croisées en indien, oui. Et puis, je suis arrivé pour me relever, puis justement, j'avais, ben c'est ça, j'avais des fourmis dans les jambes, puis je me suis effondré par terre. Mais oh! Ben, vraiment affaissé, là, une belle ascension vers le bas. Triste. Ben, c'est drôle. Moi, j'ai ton chien qui est mort. Oui, c'est ça, j'ai ri. C'est une belle histoire. Oh, triste. Enlever la petite, tu sais, quand tu commandes du chinois. Ouais. Ça vient dans des petits contenants de carton avec une broche de métal sur le dessus. Oui. Okay? Tu savais-tu que si tu enlèves la broche de métal, ça devient une assiette? Savais-tu ça? Parce que ça va changer ta vie. C'est évidemment pas tous les restaurants qui ont des petits contenants comme ça, mais ces contenants-là existent. Et voici la tête de Jean-Philippe. Ah, oui. Mais ils sont faits spécifiquement pour ça. C'est pas un hacking, c'est vraiment pour ça qu'ils ont été fabriqués de même. Aïe, t'enlèves aïe. La broche de métal, ça fait une assiette. Bon, wow! Dit. Non, mais ça, c'est merveilleux. Ça te change une vie. Hey, ça compte pas pour les petits restaurants qui ont du styrofoam, c'est plate, du styrofoam. Ouais. Pour vrai, tu peux rien faire avec. Pas d'assiette, à moins que t'aies un couteau. Hey, on est en 2013. Hey, avant plus de ça. Évolution, man. Ouais. Tu peux choisir quelle chanson va être skippée dans iTunes. Tu sais, dans iTunes, tu vas pouvoir jouer sur random, mais tu peux sauter des pièces. Si tu vas dans clic droit, information, genre, option, skip one shuffling, il va sauter par-dessus. OK. Comme ça, c'est la collection complète, mettons, de la musique de Lady Gaga. Tu veux pas qu'elle joue. Coche-la pour qu'elle soit skippée lors du... T'invites tes amis puis tu veux pas que tout le monde sache que t'écoutes ça. Genre, c'est un bon petit conseil. Lorsque tu permets à un ami d'utiliser ton téléphone cellulaire, utilise Siri pour faire l'appel. On sert rarement de Siri, même si c'est une fonction de l'iPhone depuis le 4, je crois. Donc, si tu utilises Siri, ça va te permettre de faire des appels téléphoniques, mais ton ami ne pourra pas être dans les messages ou les photos. C'est des choses à cacher. Siri est là pour ça. La meilleure façon de régler le hockey est d'essayer de provoquer ton propre hockey en faisant des... Ça va arrêter ton hockey. Ah ouais? Ben, j'ai essayé, moi, j'étais un hockeyteur, moi. Moi aussi, tout le temps, sans cesse, pendant des heures et des heures de temps. On a déjà parlé la semaine passée, tu te rappelles, de frapper au-delà de ce que tu veux frapper. Oui. Si, mettons, tu veux frapper dans la face du gars, frappe derrière la face du gars, psychologiquement dans ta tête. Ça va puncher plus fort. Plus fort. Même genre de conseil ici, c'est de faire un point seulement à la fin, à la dernière seconde. Donc, tu commences avec une gifle, puis poum, tu refais une main, un point, quand t'arrives proche de ta cible. Plus aérodynamique. Ben, c'est que tu perds beaucoup d'énergie en faisant ton point. Au départ, tes muscles sont comme endoloris parce que t'as fait ton point pendant quelques temps avant de frapper. Donc, combine les deux, frappe au-delà. Cette personne-là va m'en manger toute une. Elle ne pourra pas survivre. Ne brosse pas tes dents trop fort parce que ça va les rendre plus sensibles et va causer l'érosion de l'émail. Donc, brosse pas trop fort, tu vas te nuire. Émail, ça va? Émail! Je vais t'envoyer un émail pour un email. Ouais. Mais dit en français, un émail. Ouais, finalement, non, j'en note aucune. OK. si t'aimes la saveur des Doritos, par exemple, ou d'une autre sorte de chip, mettons un Doritos Cool Ranch, tu sais, où j'ai goûté récemment aux nouvelles Lay's, à savoir de frites et de sauce. Et puis, ça goûte pas grand-chose de plus que des frites, que des chips normaux. Mais bref, mettez-les dans, tu sais, l'affaire pour grinder, si on veut, là, mais pas la machine à grinder pour le café, là, mais celui qui a comme un genre de petit bâtonnet de marbre dans un petit bol de marbre. Un mortier. Exactement, un mortier. Mortifie tes Doritos Cool Ranch et sers-t'en dans un petit moulin à poivre pour mettre sur de la salade. Ben non. Ça fait comme une épice à saveur de Cool Ranch. Wow. Come on, c'est débile. Wow. Dans une poivrière, on s'entend que c'est magique. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Oui, le future. si tu manques d'espace dans ton garde-robe, à la place de prendre comme dans l'infopub à la télé, là, les supports spéciaux qui vont te faire... Ou encore l'affaire avec l'aspirateur qui va aspirer l'air. Là. Non. Garde tes petites affaires de liqueur comme tu gardes pour ton ami ou je sais plus trop qui. Monsieur Castonguay. Les petites tables, les petits trucs de dessus de liqueur. Là. Oui. Qui se défont, ça ressemble à un 8. Entre ça dans ton support et entre l'autre support dans l'autre orifice. Comme ça, ça va décaler deux supports et tu vas sauver la moitié de ta place dans ton garde-robe. Je peux pas croire que j'ai pas pensé à ça. Ah! Pour vrai. Puis le mieux, tu peux prendre les pinouches, appelons ça des pinouches. À sac à pain? Non. Ben c'est les trucs de boissons gazeuses. Oui. Mais si tu manges des sardines, elles sont un peu plus grosses. Ah, pour vrai? Fait que ça peut les décaler encore un peu plus. Wow. Avec des gros supports, comme moi, j'ai des supports de plastique. Oui, c'est ça, exact. Du génie. Pour ceux qui n'ont jamais pensé à ça l'été, vous savez, on a tout le temps de la misère à boire sa liqueur parce qu'elle va peut-être au soleil. Oui. Ou sa boisson, peu importe, que c'est thé glacé. C'est tout le temps au soleil. Tu veux le mettre en dessous de ta chaise sur laquelle tu es en train de t'étendre pour prendre du soleil. OK? Sauf que là, Colin, tu peux pas boire parce que tu es en dessous de ta chaise. Puis tu la cherches, T'as fait tomber. Mets ton verre dans ta chaise. Souvent, ta chaise va avoir de l'espace entre les lattes qui composent la chaise. OK? Donc, tu passes une paille. Ton verre est en dessous, tu pars ta paille dans les lattes, tu bois pendant que tu te fais bronzer le dos. Mm-hmm. C'est magnifique. En espérant que tu ne sues pas trop. Parce que là, ça pourrait tomber dans ta boisson. Ça me fait salé, mon thé glacé. Tiens, votre prochain repas, on nous dit, mangez-le avec des baguettes chinoises, OK? Parce que les experts disent que plus tu prends ton temps pour manger, moins tu vas consommer de nourriture parce que tu sais que ton cerveau prend 20 minutes avant de savoir qu'il n'y a plus faim. Bon. Ça, on l'avait déjà appris. Oui. 30 minutes avant d'aller se baigner, etc. C'est la base. Donc, si tu manges avec des baguettes chinoises, souvent, tu vas manger plus lentement. Et il y a une étude qui prouve que les buffets chinois, les gens qui mangent dans des buffets chinois, sont plus en santé, presque trois fois plus que ceux qui mangent sans les baguettes. Ah-ha! Donc, peut-être qu'il y a une corrélation à faire avec ça. Pas pire, hein? On vient au bacon. Toujours l'agrément. Ouais. L'agrément parfait. Congèle ton bacon qui est cuit. OK? Et utilise une râpe à fromage. Tu vas pouvoir râper des morceaux de bacon qui vont être dans ton repas. Sans te casser. Sans te casser le biscuit. Wow! Hein? J'aime ça. Toujours dans la chronique de trucs et astuces, les instructions d'assemblage. Si tu mets du Dawn, ça c'est du savon à vaisselle, du Dawn, dans un sac Ziploc et tu le fais congeler, okay? Ça va devenir un ice pack, mais qui va prendre la forme de ton corps. parce qu'en en étant sur ta peau, le Dawn ne congèle pas autant, j'imagine, que l'eau. J'ai pas la définition de pourquoi ça fait ça, mais ça va prendre la forme exactement de, par exemple, ton épaule. Tu sais, souvent, quand on va prendre la glace ou un ice pack, tu vas le mettre sur ton épaule, mais tu vas juste toucher le dessus de ton épaule et non pas le derrière. Donc, avec du Dawn, ça va prendre la forme de ton corps. Tu le remets dans le congélateur, tu le remets sur ton corps, tout en même forme. Bon. Plutôt que de payer pour des sacs, le genre de sacs magiques. C'est tout, exact. Tout, ouais. Parce que moi, les sacs magiques, ça reste fois 3 secondes, 3 minutes, puis après ça, t'en as plus. Alors que ce qui est congelé comme du Dawn, vraiment, va durer plus longtemps. Moi, j'adore ce conseil. Fais des cubes de glace, mais avec du vin pour le mettre dans ton jus de fruits. Comme ça, quand ton jus de fruits va devenir alcoolisé par, le, par la, la fondaison. Ça, wow. Kansman veut dire la sangria. Sangria! Les petits bâtonnets de M&M. Je sais pas si t'as déjà vu en épicerie ou en magasin. T'as des petits contenants cylindriques. Pas cylindriques du tout. Ah oui, oui, oui. Oui, cylindres. Oui, c'est des cylindres. Avec un petit capuchon. Oui. Et tu peux mettre tes M&M. Ben, tes M&M sont déjà dedans, puis t'en mets d'autres après. Bon. Mets tes 25 cents là-dedans. Ta monnaie. Mm-hmm. Tu sais, comme ça, tu peux mettre ça dans ton sac à dos, puis ça va pas prendre le bord, puis ça va pas se défaire dans ton sac. Tu peux aussi mettre tes cigarettes. Oui, il y en a qui mettent de la drogue dedans aussi. Débranchez votre ordinateur portable avant de l'éteindre. Comme ça, Windows n'installera pas les mises à jour. Ah. Quand tu es sur la batterie, il va pas gaspiller ta batterie en prenant les mises à jour. Tu peux aussi faire arrêter sans faire les mises à jour, mais souvent, on va pas y penser. Alors que c'est plus facile de débrancher ton fil, alors que tu vas de toute façon débrancher après avoir éteint. Puis des fois, t'es pressé, t'as pas le temps qu'il fasse ça. Je te mets à jour. C'est long un peu, des fois. Pour empêcher les enfants de tomber en bas du lit, on nous conseille de mettre en dessous de leur. Ben, entre le matelas et le couvre-lit, de mettre une nouille de piscine. Mm-hmm. Tu mets la nouille dans le drap et ça va l'empêcher de tomber. Quand vous ouvrez un nouveau sac de céréales, ouvrez-le par le dessous. Comme ça, il va y avoir moins de particules, petites poudres. Ah. Tu sais, ça va être à la place distribué dans ton sac au complet. Ça va être beaucoup moins gossant. Plate. Plate que quand tu finis ta boîte de céréales. Ben oui, puis qu'il reste juste des petites miettes. Donc, tu ouvres la boîte par en haut, tu remets ton sac à l'envers, tu l'ouvres, tu le remets dedans. C'est simple de même. Alors, ça là, c'est du génie, je peux pas croire. Je peux pas croire que je savais pas ça. Pour facilement manger une orange. Évidemment, ce que tu fais d'habitude, c'est que tu l'ouvres, tu vas prendre ton épluche orange. Bon, c'est compliqué pour rien. Coupe le dessus et le dessous. Une petite fente, une petite. Juste le. Comme tu ferais avec un cocombe, finalement, OK? Ouais. Et après ça, fais juste une fente et déballe et ta. Je te jure, l'orange se défait tout seul. En accordéon, tout seul. Oh, oh mon Dieu. Change ta vie, hein, toutes les semaines. C'est. Change ta vie. J'ai le goût de pleurer tellement que je suis heureux. Si t'as, si t'as une mauvaise haleine parce que t'as trop mangé d'orange, bon, tu sens l'orange, là. Ben évidemment, se brosser les dents, c'est important, mais évidemment, on dit brosse-toi la langue. Je pense que ça, c'est un petit peu évident, mais des fois, il y en a des évidents, là, sûrement. Ouais. Brosse ta langue. Des fois, c'est juste des petits rappels, tu sais, t'oublies la vie, puis ça passe. C'est ça. Tu sais, fait que je te donne comme 45 fils, si t'en absorbes 2-3, ouais. Tu sais, comme celui-là, ce serait une bonne affaire de fête. Boire du jus de melon d'eau. Pendant que tu t'entraînes, ça va empêcher les muscles de devenir comme endoloris. T'sais, quand tu as mal aux muscles après t'être entraîné, parce qu'il y a quelque chose de spécial dans le jus de melon d'eau qui fait que ça empêche ça. Bon, sachez-le, jus de melon d'eau. C'est bon, c'est rafraîchissant. C'est tellement bon. Si vous faites vos ongles, on parlait la semaine passée de faire vos ongles après la douche parce que vos ongles sont plus mous. Bon. Et on vous disait de mouiller vos ongles aussi pour pas que les ongles s'envoient dans les airs. Un autre conseil, c'est de mettre du ruban adhésif, du papier collant sur le côté de ton clipper. Comme ça, quand tu coupes, ça reste pogné après le papier collant. Puis ça t'enlève le papier collant, tu le jettes. C'est un peu plus compliqué. Moi, je préférais juste me mouiller les ongles. Moi je pense aussi. Puis tu sais, c'était pas sûr qu'il va revoler là. En tout cas, t'sais, vous faites un jeu avec une cible sur le comptoir puis vise. Si tu connais pas le masculin ou le féminin d'un bébé, tu sais, des fois, ça peut être confus. Puis, tu sais, on est rentré en 2013, le rose pour les filles, puis le bleu pour les garçons. C'est vieux jeu. Moi, je suis pas pour ça. Tu sais, allez-y avec d'autres couleurs, du vert, du jaune. Bon. Bref. Hein, moi, les genres, les tiroirs de la société, j'aime pas ça. Mais bref, si vous voulez, subtilement connaître le genre de bébé, ben, demandez juste leur nom à la place. Ça va être ben moins awkward. Ah, c'est quoi son nom? Un nom à Kyo? Tu sais. Puis là, ils te sortent un José. Ouais. J'avoue que ça pourrait être difficile. Ouais. Ahmed. Oui. Pas mal un gosse. Donc bref, demandez le nom. Ensuite, ah, ça, c'est pas vraiment, c'est pas une crosse parce que c'est assez évident, mais c'est juste un petit fait sympathique à mettre dans la chronique d'instruction. Ça nous dit, là, je dis ça à notre patron, évidemment, Jean-Philippe. Aller aux toilettes au travail. Mm-hmm. Moi, évidemment, je peux pas m'en empêcher. J'ai un désordre qui fait que je vais souvent au. En tout cas, bref. Mais aller aux toilettes au travail, parce qu'à la fin de l'année, vous allez avoir été payé pendant 40 heures à utiliser la salle de bain. Une semaine complète à la salle de bain. Mm-hmm. Je trouvais ça drôle, tu sais. Je tenais à mentionner ça. Quel endroit mieux placé, la salle de bain? Puis tu t'assois, ferme un peu les yeux. Médite. puis 5 minutes après, tu sais, tu vois, je suis allé boire de l'eau. C'est ça. Ouais. Tu sais, tu pourrais même manger des toilettes puis pas prendre dans le dîner. Ben oui, c'est ça. En tout cas, c'est dit. C'est dit. Je ferais jamais ça, franchement. Buvez des tonnes de jus de pomme avant d'aller vous coucher. Du jus de pomme avant de se coucher. Parce que chimiquement, à l'intérieur du jus de pomme, ça va t'aider à avoir des rêves vivides. Tu vas te rappeler plus de tes rêves. Apparemment. Je veux l'essayer, je sais pas. J'aimerais ça. Moi, je pense que ça doit faire littéralement une bonne... Est-ce que je suis généreux? Puis j'ai 10 ans. Je pense que ça fait 10 ans que je me suis pas rappelé de mes rêves. Ah oh, ouais? Tu sais, tout le monde sait qu'on rêve à tous les jours, même si on s'en rappelle pas. Mais ça fait extrêmement longtemps que je m'en suis pas rappelé. C'est impressionnant. Ouais, donc jus de pomme, merci. Je veux battre mon record. Ouais, moi, je comprends. J'ai un contrôle là-dessus. Donc jus de pomme avant de se coucher. Lorsque vous achetez une... Ah, ça, c'est crosse de la semaine encore. Lorsque vous achetez... Je vais me reprendre ici. Lorsque vous achetez une carte romantique, okay? Une carte pour un événement romantique, un anniversaire de mariage, prenez deux cartes et prenez la belle phrase cute d'une carte, écrivez-la à la main dans la carte numéro 2. Comme ça, t'as l'air d'un poète. Hein? C'est beau, hein? C'est beau! Wow! Tu peux faire semblant d'être bon. J'adore ça. Si vous mangez bien dans la vie, faites rôtir des ananas pour les mettre dans vos légumes à côté de votre plat. Parce que les ananas, c'est très bon pour la santé, mais le goût va être plus sucré. Tu vas avoir l'impression de manger peut-être une pizza hawaïenne. Ah! Et ça va te faire passer des légumes un peu mieux. Parce que moi, les petits... c'est bien beau les petits blés d'Inde là, minuscules avec des petits pois chiches pis des affaires. Je suis tanné de manger les mêmes légumes tout le temps. Mm-hmm. Des petits ananas rôtis, ça serait bon. Oui, est-ce que tu es du genre à manger pizza royale? Non, j'ai pas mangé ça depuis ma jeunesse, mais je suis curieux de réessayer. Moi aussi. Je commande une pizza comme pour la rentrée en gang. Je vais la noter. Note ça. Pizza hawaïenne, là. T'imagines, tu sais, que le. Hey, ouais, tu sais, la rentrée, tu sais, on faut fêter ça en grand. Ouais. Pizza hawaïenne, finalement, on se rend compte que personne aime ça. Ouais, ben, j'avoue que c'est vraiment pas pour tout le monde. Vraiment pas. On fera ça, on la commandera la semaine prochaine. C'est ça, ok. Trouve une commandite pour ça. Ouais. C'est pas toi qui cherches les commandites ici. On met quelqu'un là-dessus. Mets quelqu'un là-dessus. Tu sais, t'es dans la piscine, tu veux manger quelque chose. On commence à prendre beaucoup de temps ces trucs, mais c'est intéressant. Tu veux mettre de l'alcool, des canettes de liqueur dans un cooler, mais tu veux le faire flotter. Ouais, oui. Puis là, ça c'est pique. L'eau. Puis là, c'est l'eau. Ça flotte pas, man, ça flotte pas. À la place, prends un contenant de plastique beaucoup plus léger, avec de la glace puis des liqueurs, et mets, ok, tu prends une nouille pour la piscine, pareil comme pour dans le lit tantôt. Tu coupes la nouille en sections, tu mets une corde dans la nouille, tu sais, le milieu, mm-hmm. et tu fais flotter ton case comme ça. Oh. Hein, seulement j'avais une piscine, je serais l'homme le plus heureux magnifique. De faire ça. On a une petite piscine gonflable, nous autres, genre de 8 pieds de circonférence. Pas 8 pieds, pas en tout. Beaucoup moins que ça. Mais en tout cas, bref, une petite piscine, c'est cute. Ouais, je te conseille. Tu te baignes des fois? Ah oui, ben, quasiment tous les jours quand il fait chaud. C'est-à-dire quasiment jamais. comment servir votre crème glacée plus rapidement? C'est chaud, il fait chaud, c'est l'été. Tu veux servir la crème glacée à tes invités? C'est gentil de ta part, bravo, je te félicite. Mm-hmm. Un barbecue, la soirée est jeune, la soirée nous appartient. Prends ton bloc de crème glacée, dompe-le sur une petite surface à couper et coupe avec ton couteau. Ça sert beaucoup mieux qu'avec une cuillère. Beaucoup mieux. Bravo. Encore une fois. On n'arrête plus. On n'arrête plus. On aime ça. Continuons. On est parti. Ça n'a pas de sens. Les gens vont me trouver vraiment supérieur. Pour vrai, hein, tu vas avoir comme. Tu vas avoir l'air d'un génie. Oui. Simplement. Simplement. Je sors d'une lampe. guide de la poignée de main maintenant. Oui. On dit, pour faire la poignée de main parfaite, maintenir le contact visuel. Faut regarder dans les yeux. Sourire, très important. Se pencher 20 degrés par en avant. Ça a l'air plus sérieux. Une bonne poignée de main vient du coude. Okay? Pendant que ton avant-bras reste ferme. Donc, ça vient du coude, le mouvement, et non pas de la main. Sinon, ça a l'air mou des fois. Okay? Les mains, donc, il faut serrer entre... attends un peu. La poignée de main va se rencontrer au point entre le pouce. Évidemment, ici, on s'entend qu'il faut qu'il y ait un vrai bon contact du milieu de la main entre le pouce et l'index. Gardez le poignet bien ferme. Les doigts proches les uns des autres. Donc, pas d'affaire de faire une main séparée, là, genre avec les doigts séparés. C'est vraiment serré. Et maintenir une pression ferme, mais pas trop. Parce que c'est plate, quelqu'un qui serre beaucoup trop fort. 5 fois maximum pour le nombre de pompes, OK? 5 fois max, c'est trop après ça. Parfait. C'est awkward, inconfortable. Donc voilà, vous avez votre conseil parfait. Vas-y. Aussi, ce que je rajouterais à ce conseil-là, c'est les pompes, c'est de haut en bas et non de côté. Et non de côté, ben non. Parce que là, ça peut devenir malaisant. La swing, genre, ouais. La poignée de main swing. Non, non, on n'aime pas ça. Mettons, au lieu de faire, tu sais, je sers les mains de bas en haut, mais si on fait de gauche à droite, ça fait... Ça, on dirait que tu te... Oui, merci. C'est une gâche, mec. Faites durer le vraiment. Le là, on part beaucoup trop sur beaucoup trop d'affaires. 23 minutes, 24 minutes. Ah, c'est relax. On aime ça. On est à juste deux personnes. C'est normal. L'été. C'est ça, c'est l'été. Faites durer votre vernis à ongles plus longtemps. Oui, okay? Je voulais faire ça, justement. Voilà comment. Avec du vinaigre. Trempe une boule de coton dans le vinaigre et passe ça sur ton ongle alors qu'il n'a pas encore eu. Okay. C'est avant de mettre. Donc, passer du vinaigre dessus et plus tard, appliquer, ça va durer plus longtemps, nous dit-on. D'ailleurs, mets du vernis à ongles ou du white-out, là, du petit truc pour corriger tes fautes, sur le dessus de ton chargeur de téléphone pour que la nuit, quand t'arrives, tu sais, t'es dans ton lit en train de niaiser sur Twitter, tu veux le brancher, tu sais pas de quel bord qu'il va être. Si tu le pognes par le côté, tu vas voir avec le vernis. T'auras pas à essayer d'un bord ou de l'autre. Comment? C'est génial. Il nous en reste que quelques-uns. Léchez votre doigt et passez-le sur l'enveloppe à la place de lécher l'enveloppe directement. Facile, celui-là. Évident un peu, même si certains diraient. On parlait tantôt de Nutella et de beurre d'arachide. Tu te rappelles, on disait de plier la toast à l'envers pour avoir le goût partout. J'ai hâte que tu me dises quoi faire. Faut le faire demain. Prends de la pâte à croissant Pillsbury. Oui. Tu défais la pâte, OK? Tu fais tes petits triangles. Tu mets une crotte de beurre de pin, une crotte de Nutella et tu fais ton croissant. Colin! Là, wow! Là, c'est quoi l'affaire, là? Hey. C'est parce que là, je regarde l'heure, puis je sais qu'on n'est pas encore sorti du studio. Non! Avant au moins une heure et demie. Et puis, je me peux plus. Insoutenable. C'est insoutenable. J'ai envie d'une toast virée de bord. Puis d'un croissant. D'un croissant. C'est comme un croissant Reese. Oui, un croissant. Un croissant. On devrait finir là-dessus, mais il m'en reste trois. Ah oh, non, on continue. On va en trouver des meilleurs. OK. Si là, je pense pas qu'on puisse battre ça. Ben, je t'écris. Faites semblant de parler au téléphone pour éviter les gens qui veulent faire remplir un sondage ou prendre votre signature dans la rue. Tu sais, à Montréal, il y a tout le temps ça. Quelqu'un qui veut votre signature, il veut ta peau. Fais semblant d'être au téléphone. Hein. Ben oui. Facile, simple de même. Simple de même. On l'a dit tantôt, se coucher sur le ventre, c'est vraiment la pire chose que tu peux faire pour ton dos. Une des pires. Je sais pas si c'est la pire, je suis pas un expert, mais une des pires. Parce que ça aplatit ta colonne vertébrale et c'est considéré comme étant donc une des positions de sommeil pour commencer, les moins à conseiller. Mm-hmm. Et c'est encore pire si, comme moi, souvent, tu vas sur ton téléphone ou ton portable et là, ton dos est courbé. Non, c'est vraiment mortel, pour vrai. Ne faites pas ça. Et c'est de là que proviennent sûrement mes maux de tête, mes maux de dos. Ça part de là. Et c'est un long papier à écrire. Tu te rappelles, la semaine passée, on avait dit copie-colle des symboles random. Comme ouais. Ça, tu vas pouvoir dire que ton fichier est corrompu. Oui. Ça, c'était une crosse de la semaine. Je vous le conseille pas. Dans ce cas-ci, vous avez un long papier à écrire. Trouvez une bonne source, okay? Une seule bonne source, et regardez sa bibliographie et prenez ces sources-là. Ben, comme ça, t'as pas à aller chercher. C'est pas tant une crosse. Non. C'est de là que ça part. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que je le fais depuis toujours. Ouais. Fait que dites-moi pas que c'est pas correct. Mais ça peut être des très bonnes sources de sources. Puis après ça, t'sais, il faut pas que tu t'arrêtes à une, mais non. Après ça, deux, trois... Mais après si t'as ça, tu vas voir les deux bonnes sources, ces sources-là, tu multiplies par 30 le nombre de sources que t'as juste en ayant une seule bonne source. Ça peut très bien aller. Voilà, c'est génial tout ça. Génial. Wow. Voilà, pour les instructions d'assemblage, tout ça sur assemblagerequis.com. Ben, moi, c'est sûr que je vais tout réécouter. Faut que je les réécoute. D'ailleurs, en parlant de réécouter, si mettons, je suis pas un gars d'Internet, on peut-tu réécouter Assemblage Requis à la plage? Vie dans le présent, pas dans le passé, man. Là, je sais pas. Moi, je te pose des questions. Vous pouvez écouter de multiples façons. Évidemment, on est en direct à la radio entre 14h et 18h tous les jeudis. Oui. On repasse les samedis midi jusqu'à 4h. Parfait. Dimanche, 10h à 2h, 10h à 2h. Mm-hmm. Facile, c'est comme les cases varient. Et sur Internet, assemblagerequis.com, tu as les balados diffusion, OK? Ouais. De toutes les émissions depuis la number one. Et de toutes les émissions que je fais, fait que ça doit tomber dans le genre de je sais pas combien de dizaines de milliers. Trop, bref, d'heures. T'sais. Et évidemment, live sur cifu.ca, random streaming. Wow! Merci Mathieu. Que de façon. J'étais plus certain. Là. Vous pouvez venir me voir, je peux vous faire un CD avec l'émission si vous voulez aussi. Non! Je peux vous l'envoyer par wetransfer.com. Oh. Comme j'ai fait. Ben oui. De temps en temps. Pour l'instant. Un gars d'Adon. Ah, regarde le don. Ben ouais. Regarde le don, le gars d'Adon. Regarde le. Ouais. C'est ça. Crescent. Oui, Crescent. Chris Mambon. C'est Chris. Là, c'est un jeu de mots avec les Reese et un croissant. Oui. C'est pas du tout un sac. On revient dans deux minutes. T'es maudit. Paye sacré, oui. C'est fou avant tout le monde. 89.1 FM. Ah! Toujours Assemblage Ricky à la plage avec Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Ah, qu'on a du fun. Il nous reste encore 1h20 ensemble. C'est juste nous deux aujourd'hui. On n'a pas grand monde pour nous accompagner, je trouve. Ouais. Mais c'est pas grave, ils sont tous partis sur la plage en train de batifoler dans le. Ben nous, il y avait. Oui, mais c'est que nous, il y avait un peu trop de vent pour être en direct de la plage aujourd'hui. Oui. Eux sont restés là. Ben, tu sais, déjà solitaires. Solidaires. Dans leur solitude. Ouais, pendant que nous, on est dans le hall du hobby. Exactement. Où on est à l'abri du vent. On espère qu'il mouillera pas trop, tu sais. Parce que c'est ça l'affaire. Des fois, à la plage, c'est bien beau, là, mais il y a des jours de pluie aussi. C'est ça. Au resort, tout inclus, de C'est Fou, où on vous invite à venir nous rejoindre, évidemment. Qui mieux mieux. C'est ça. À l'endroit où nous sommes. Je sais même pas comment faker ça. Ouais. Venez nous voir. Ben oui. OK. Tiens, on va faire une chronique qu'on fait un petit peu moins depuis quelques temps parce que, tu sais, on est en rediffusion à quelques jours de distance. C'est difficile de faire quelque chose de temporel dans l'émission. Mais là, on a la chance de le faire. Donc, voici la chronique. Ajoute ça à ton agenda. Ajoute ça à ton agenda, la chronique de sortie, là, des grosses affaires à dire, hein, JP? Oui, écoute, cette semaine, on a toute une primeur, en fait, puisque en revenant du cinéma, cette semaine, qu'est-ce que je vois pas? Une magnifique affiche nous invitant, en fait, à rencontrer... Je vais la lire de haut en bas, ça va être okay. Encore mieux. En fait, c'est le buffet des continents qui nous invite... À la tournée de Sœur Angèle. On n'aimera pas, évidemment, c'est le buffet où il y a des plats de plusieurs continents. C'est pas, oui, c'est ça. On peut pas dire leur nom. J'ai peut-être bafouillé mes mots un peu. Non, mais c'est correct, c'est de l'incontinence de la bouche. Incontinent. C'est juste pour la placer. Ouais, donc c'est la tournée de Sœur Angèle au bénéfice de ses œuvres humanitaires. Cool. On peut rencontrer Sœur Angèle. C'est quand ça? Écoute. est en tournée un peu partout. Okay. Écoute, ça commençait le 30 juillet. Juste pour vous dire, puisqu'on est à Trois-Rivières, 15 août. 15 août. Et puis ça se situe au buffet des 5 continents. Des endroits où il y a plusieurs continents. C'est ça. Sœur Angèle. Elle existe encore. Ben, écoute, ça a été la surprise de ma vie. Parce que je me souviens d'elle quand j'étais plus jeune. Son émission de cuisine. Oui. Et puis... on rit pas d'elle, du tout. Non, c'est... On rit pas. Non, c'est juste, c'est surprenant. On s'attendait pas à ça. Non, t'sais. Pour moi, c'est faire quasiment revenir. Je pensais pas, ben, c'est pas méchant, mais je pensais pas qu'elle était encore dans ce monde. Parmi nous, t'sais. Non. Je pensais pas qu'elle s'associe avec un restaurant comme ça. Non, moi non plus. Mais en tout cas, vous êtes maintenant averti, tu rajoutes ça à ton agenda. Yes. Puis c'est tout pour moi. Grosse chronique, voilà. Merci, JP. De rien. Yes. Wow. Alors, je vais mettre la photo sur Assemblage Ricky. S'il te plaît. On retourne en musique. On va entendre nos prochaines positions du palmarès anglophone, c'est-à-dire les 7 et 6. Plus tard, il y aura Fiddler, mais on débute en 7e place, qui monte de 2. Avec Daft Punk, Lose Yourself to Dance. Ooh, yeah! C'est un plaisir coupable. Moi, j'adore Daft Punk. Sexy. Oh, merci. Vous êtes à Assemblage Sexy. Assemblage Sexy. Ok. Lose yourself to dance. Guitar. numéro 6. Wait for the man. Ça descend de 4 places en 6e position anglophone. Et en 7e position, en hausse de 3 places, de 2 places, pardon, Daft Punk avec Lose Yourself to Dance. Lose Yourself to Dance. Tantôt, on a commencé la chronique Son foutu palmarès. Oui. Et pourquoi ne pas en faire un deuxième, sauf sans l'intro, parce qu'on n'a pas une minute à perdre, tu sais? Bon, on l'écoutera à la fin. Donc, c'est Son foutu palmarès, c'est la chronique où on présente une liste de quelque chose, peu importe le sujet, et cette fois-ci, c'est la liste des choses sur lesquelles ou par rapport auxquelles les hommes mentent toujours. Oui. Puisqu'on se rappelle, on est juste nous deux. On est entre Cox. Ouais. C'est le batteur de Cox. Ouais. Évidemment. Pas de filles en studio, no fatties et no girls allowed. Donc, on va s'essayer avec le top donc des choses que les hommes mentent toujours. Par exemple, les danseuses, moi, ça me fait rien partout. Ouais, c'est ça. Pas excité par les danseuses, non. Les filles se mettent tout nues devant moi, puis ça me dérange pas. Non, moi, je vais là pour profiter des spéciaux. Voilà, jouer au poker. Ouais. On peut jouer pas au poker, là. Non, mais on peut regarder la télé. Regarder RDS 3, jouer du poker. Oui. Bien sûr, prochaine citation, bien sûr, t'as pas l'air grosse en portant ça. Bien sûr que non, voyons donc, ça te rend pas grosse du tout. Tu l'es à la base. Ça change rien finalement. Tu pourrais dire ça. Tu vas être honnête, dis ça change rien. T'es pas comme d'habitude. C'est ensuite, non, je vais pas voir des sites de porn. Pourquoi? C'est jeté devant moi. T'es parfaite. Ben oui, c'est ça. Je suis une personne très importante pour ma compagnie. Je suis pas juste un autre parmi 3000 employés qui font la même chose. Numéro 4. S'il vous plaît. Oui. Nettoyage dans la 8e allée. Je t'aime, moi aussi. Ah! Oh, moi aussi. Mensonge comme un autre, tu sais. Devant la liste des mensonges que les gars disent tout le temps. Je mesure 6 pieds 2. Sur un profil d'un site de dating, mettons. Je mesure 6 pieds 2. Bien sûr. Moi, c'est vrai, par exemple. Ah, 6 pieds 2. Moi, c'est fou. Et demi. Moi, c'est ouais. Oui, je te jure que le nombre de personnes avec qui j'ai couché, c'est seulement, et là, inséré, mettons, 3. Quelque chose qui a l'air relativement peu, mais en même temps, qui a l'air d'avoir assez d'expérience. Mm-hmm. Ouais, c'est. Ben oui, j'ai couché juste avec 3 personnes. Ben oui. Non, bien sûr que non, je la trouve pas belle, mon ami X non, tu sais. Ah oui. Ben non. Regarde, oui, pourquoi je trouve pas, c'est mon ami. Ben oui, c'est sûr que ça ira jamais plus loin. Ben mais non, je sais. J'ai aucun fantasme. Aucun dessus. Colin, j'ai tellement d'intérêt et de passion dans la vie. Alors que ta seule passion, c'est regarder la TV puis checker Facebook. Ah oui. Je suis rempli de passion. J'ai des passions à en plus finir. Je te jure que j'ai 23 ans. Quand, mettons, t'es mineur et que... Oui. C'est ça, j'ai 23 ans. 23 ans. Ensuite de ça, oh Colin, j'ai un très très gros engin. Un gros Kit Kat. Gros Kit Kat Chunky, on appelle Chunky. Ça, c'est un petit peu plus triste. Non, rien ne va pas, tout va bien. Un gros mensonge. C'est le top 4 des mensonges que les gars disent. Ça va très bien. C'est alors que ça cache quelque chose. J'ai tellement hâte d'aller voir mes parents ou tes parents en fin de semaine. Quand on va partir, on va pouvoir jouer à rien. À rien pour tout. Aux billes. J'adore m'entraîner. Et le mensonge numéro 2, j'adore m'entraîner. Je suis d'où la shape que j'ai. Je bench 400. Ah, c'est 400 bang. Ouais. Évidemment. Oui. T'as dit ça la semaine passée? Oui, à ton émission. Et plusieurs autres fois avant. Ouais. Oui. Ah, merci, tu m'écoutes le dimanche. Oui. Ben, le mercredi. En reprise. Numéro 1, des mensonges que les gars utilisent le plus souvent. On en parlera plus tard, une autre fois. Tu sais, quand tu veux pas te chicaner. Plus tard. On va Ouais, profitons du moment présent. Carpe diem. Hey, on en reparlera. Saisis la vie. Ouais. Carpe diem, exactement. Tu sais, il y en a qui ont même pas à manger. Soudainement, ça change le sujet. Ça. Oui. Ah, c'est vrai, faut les faire à manger. Ouais. Donc voilà pour le palmarès des choses que les gars vont toujours utiliser comme mensonges. Excellent. Yes, c'est dans son foutu palmarès. Deux fois dans la même émission, on a le temps. Peut-être trois. Peut-être trois. Oh, si t'as d'autres choses, tu te gâtes, hein, tu y vas. Tu me le dis, puis on fait ça. On continue en musique encore une fois pour aller entendre la position numéro 5, et c'est malheureusement l'ancien numéro 1, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qui veut dire qu'on a un nouveau numéro 1. Bon. Ou deux, peut-être qu'on a deux numéros 1. Non, sûrement pas, ça se marche pas de bien. Je pense pas, non. C'est Rara, Heart and a Wife. Rara, Rara. Ça, c'est. C'est rock. Quand je vois, je veux juste faire des blagues, on a déjà fait, vas-y. Oui, quand je bois trop de coke, des fois, je fais ça. Tout assemblage requis à la plage. I used to have a guitar, though I didn't know what for. And I would play along to some old country songs that shook me to the core. And then I got an amp, and I learned to make some noise. And I would play along to some crazy horse songs until it felt right. And now I just want a life. C'est numéro 1 du côté anglophone. C'était la cinquième position. Rara avec Heart and a Wife. Yeah! C'est là-dessus que se termine la troisième heure. Il nous en reste une dernière. Le sprint. Ouh, on va courir pas trop fort. On va tourner sur notre chaise, là. Bah oui. Donc, faut quand même pas s'épuiser. Ben là, hein, c'est en vacances, là, tout ça. Oui. Là, c'est l'été. Dans la quatrième et dernière heure, il y a la chronique 16, mais ça devrait répondre là. Et là, pour une des rares fois, on va la faire seulement toi et moi. C'est rare qu'on vit ça ensemble. C'est vrai. D'habitude, c'est la chronique préférée de Stéphanie Paradis. Elle est pas là aujourd'hui. On sait qu'elle nous écoute. Elle va nous sûrement nous passer des commentaires sur chacun de ces gadgets-là. Oui. Je pourrais faire la réceptionniste. Ah, j'aime ça. C'est à qui envoyer ces messages. Bonne idée. Donc, voilà. Stéphanie écrit à JP. Pour l'instant, ben, c'est ça. On prend une petite pause et on revient avec une autre heure complète d'assemblage requis à la plage. Restez là. Assez fou, les extrêmes de nos amis. C-F-O-U 89-1. C'est la quatrième et dernière heure d'assemblage requis à la plage. Pour la semaine du 29 juillet 2013, il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Et Stéphanie Paradis est toujours en congé aujourd'hui. Et personne d'autre n'est venu jusqu'à maintenant. Personne. Personne. Personne. C'est quoi? Il n'y a plus personne. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. On est ensemble entre gars. Ouais. Les vrais gars. Il y a de la bière partout, de la pizza partout. C'est si malade. Seulement. On est en bobette. Ah, ça par exemple. Donc, on va faire la chronique 16 minutes, ça devrait répondre là dans quelques minutes. On a le temps en masse pour batifoler sur plein de beaux petits gadgets inutiles. Mais pour l'instant, on est rendu à la position numéro 4. Born Riffians avec Wither Shadow. Intriguant. Belle petite tune pour la journée, ça. Ah oui. Oh oui. Oh. Oh. Don't be long inside it. She needs the sun. Yes, she does. numéro 3. Yes, Entertainment, la troisième place du palmarès anglophone, c'est fou! Waouh! Que c'est bon! Que c'est bon! Vous savez ce qui est bon dans la vie? C'est d'avoir du temps pour faire des chroniques qu'on fait plus souvent. Je pense que ça doit faire quelques mois qu'on n'a pas fait cette chronique-là, mais c'est une chronique qui est supposée être récurrente et régulière. Mais moi, ça me fait plaisir de la retrouver. Est-ce qu'on se dit que dorénavant, on essaye de la faire à chaque semaine? Mm-hmm. Ou aux deux semaines? Mm-hmm. Une fois par mois au moins. Mm-hmm. Ouais. Voici Tu manges mon cœur. Et oui, notre cœur est rempli de haine envers toutes ces passions qu'on a dans la vie. Il faut tellement dépenser d'argent et plus tu manges, plus tu payes. Parce que plus tu as faim, plus tu veux essayer différentes choses. Par exemple, des choses le fun, comme, mettons, des coups de cœur de la semaine. C'est un peu ça, genre, le principe. Oui, ouais, je comprends. L'explication est difficile à se rendre, mais quand même. Et Jean-Philippe, c'est toujours par toi qu'on commence parce que je veux pas prendre la première place. Oui, je sais. À chaque fois, je me fais... Générosité. Ouais. Voilà. Tu manges mon cœur. Oh, écoute, il plug le long de la chronique. Wow. Ouais. Mais, tu sais, justement, tu parlais de manger le cœur et tout, dépenser, manger... Ben moi, ouais, c'est un peu vers ça que je m'en vais. J'espère que je l'ai pas déjà fait. Je vais te le dire parce qu'on en a fait comme deux, trois. Fait, oui, je sais. Hey, je me trouverais vraiment poche. Là. T'as fait le café à un moment donné. Parfait. OK. Colin, hein? OK, ben c'est bien parfait. Écoute, moi, je m'en vais vers le barbecue. Oh non, t'as pas fait ça, c'est une bonne idée. Oui, puisqu'en fin de semaine, on a reçu des amis à la maison. Et puis, on se parlait justement là, des... on s'est amusé avec des hashtags là, qui n'avaient pas rapport, puisqu'on trouve ça drôle, les hashtags sur Facebook. Hashtag la soirée nous appartient. Oui, hashtag barbecue, hashtag... mais là, je m'en vais vers ça. C'est que j'ai fait un petit ananas sur le barbecue. Oh! Tout à l'heure, on parlait des fruits, là, ceux qui nous écoutent depuis le début. On conseille de mettre des ananas dans vos légumes le soir pour avoir plus envie de manger vos légumes. Donc, ce qu'on fait, c'est que tu achètes un ananas complet que tu coupes. Dans le fond, tu enlèves un ananas déguisé en complet, là. Oui, comme pour un mariage. Oui, exact. Fait que c'est un peu plus dur à trouver, mais ça se trouve. Ça se trouve. C'est classe. Oui. Et puis, donc, ton ananas, tu le coupes, tu enlèves toute sa pelure, mais tu gardes son feuillage. Ses cheveux. Donc, c'est important, évidemment, que ton ananas soit bien mûr. Tu veux qu'il soit quand même un peu sucré. Et puis, tu le fais griller sur le barbecue. C'est quand même long. Au moins 30 à 45 minutes, je te dirais. Ouais. Pour qu'il soit vraiment mou, là, tu sais, que ça devienne un ananas mou. Et puis, pendant qu'il cuit, je te conseille de le badigeonner de sirop d'érable. Oh, wow! Wow! Wow! Après ça, tu sers ça avec une boule de crème glacée. Non! Ouais. Donc, je peux te dire que, en fait, aujourd'hui, je suis très généreux, j'ai un double cœur. Ça sera le barbecue en tant que tel. Peut-être que je reviendrai plus une autre fois sur le barbecue, mais. Non, super. La nouvelle émission de C'est Fou sur le barbecue avec Jean-Philippe Charbonneau. En direct, du grill. Tu sais, c'est comme un bar, on dirait. Le grill. Mais voilà, fait que, un petit ananas sur le barbecue quand la température s'y prête. C'est winner. C'est magnifique. Je te remercie du conseil, Jean-Philippe, et ça m'a inspiré un peu. On s'en va entendre en musique. Jésus Bench 400 livres. Voici Anana. Elle sort du micro-ondes, mes deux pantoufles bouillantes, une pile de couverture minante. Il pleut des plures piquantes. Bien. Sain et sauf sous mes draps, j'aimerais accoupler ta faim au goût de mon ananas. Que ça nous a donné l'appétit. C'était Anana de Jésus Bench 400 livres, le groupe d'un ancien animateur et un ancien animateur ici assez fou, Nicolas Da Fonseca, pour ceux qui se rappellent. Et puis c'était évidemment en lien avec la recette d'ananas. au barbecue. La recette étant juste de le mettre dans le barbecue. Dans le barbecue. Puis le badigeonner, hey, faut pas oublier. Ah, c'est vrai. T'as oublié une partie sur deux, ma deux soeur. Ingrédients, j'avoue. Ouais, j'avoue. L'ananas, le sirop d'érable. Voilà, c'est noté et ça a l'air delicious. Oui. Delicious. Et on est toujours dans la chronique Tu manges mon cœur, où on présente nos coups de cœur de la semaine. Ça dit dans le nom, même si c'est vraiment pas clair. Mon coup de cœur à moi, c'est la raison que j'ai chialé plusieurs fois de pas que j'étais pas capable de vendre des choses sur Kijiji ou sur les packs. Bon, donc pour remettre en contexte, j'essaie de vendre ma petite boîte multimédia Boxybox sur internet. J'ai finalement réussi à la vendre pour m'acheter mon nouveau coup de cœur. C'est une machine qui vient de sortir au mois de mars en fait. Ça commence à faire un petit bout de temps. Qui s'appelle la Roku 3, qui n'est pas disponible au Canada encore. J'ai dû la commander sur Amazon.com, mais ça se livre très très bien. C'est une machine qui coûte 100$. Et ça se branche par HDMI sur la télé. C'est de la grosseur d'une puck de hockey environ. Là. C'est vraiment un paquet de cartes, un petit peu plus qu'un paquet de cartes. Tu branches ça en HDMI. C'est tout ce que tu as à faire. Tu peux ajouter une connexion Internet. Et ça va devenir... ça va faire ta télé une télé intelligente. Un peu comme les télés de nos jours. Des fois, Samsung va avoir leur télé intelligente avec Netflix dedans. Mais c'est souvent vraiment mauvais. Mm-hmm. C'est pas compatible avec tes fichiers locaux. Faut que tu passes par différents entourloupettes. T'as presque rien. Plein d'applications, moi. Parce que moi, j'en ai une télévision intelligente, puis ça, c'est long. C'est juste des mises à jour, tu comprends rien. Ça ne marche pas assez. Et Roku vient combler ça. Donc vraiment, tu peux avoir accès à, bon, entre autres, Netflix. Aux États-Unis, c'est sûr que tu as plus d'applications comme Hulu Plus, Amazon Instant Video. Ici, tu en as quand même pas mal d'applications intéressantes. Si je regarde, mettons, une capture d'écran en ce moment, il y a Angry Birds qui vient dessus, et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. La plupart, ouais, Crackle, des affaires de vidéos comme ça, il y a quand même pas mal de services. Et mon application préférée qui est Plex. Donc, tu installes cette application-là qui est disponible sur iOS, sur Mac, PC. Donc, ce que tu as à avoir, c'est un serveur dans ta maison. Par exemple, moi, mon PC a Plex Media Server installé dessus. Et là-dedans, je peux avoir accès à mes réseaux, à mes fichiers locaux. Donc, je vais ajouter, mettons, une série dedans. Et puis là, elle va apparaître sur tous mes appareils, dont ma Roku. Tu peux le télécharger en haut, mettons, dans ton bureau. Puis là, tu peux l'avoir. Oh, c'est exact. Génial. C'est parfait. Et la Boxybox fonctionnait très bien pour ça aussi, même que pour les fichiers locaux, fonctionnait mieux. Mais elle était rendue quand même... ça fait 3 ans à peu près que ce modèle-là était sorti. Il y a peut-être un petit peu moins, peut-être 2 ans. Et avec le temps, j'avoue que sa lenteur me dérangeait un petit peu. C'était basé sur Linux. Mm-hmm. Et des fois, pour l'ouvrir, ça te prenait un bon 1 minute, 2 minutes, même plus que ça. Donc, quand tu t'en sers à tous les jours, ça s'accumule. Puis là, la fermer, des fois, ça... Je me suis tanné, Roku n'a pas de bouton on-off. Il est toujours ouvert. Toujours ouvert et prend, selon le livre d'instruction, moins d'énergie qu'une veilleuse. OK. Donc, vraiment pas beaucoup de puissance nécessaire. Et quand tu changes d'input pour aller sur ta Roku, sur la prise HDMI 3, mettons, ben, elle est instantanément disponible. Et là, tu vas dans Plex, tu peux regarder tes séries. Et en plus, c'est que Plex remarque quelle série ou quel épisode n'a pas été regardé, lesquels sont en cours de visionnement. Donc, si, mettons, hier, j'ai parti un épisode de Big Brother Australia. Là, tu te souviens plus du numéro exact. S4, E3, mettons. C'était ça avec la Boxy. Là, maintenant, c'est marqué On Deck. L'épisode est là, wow. Partiellement regardé. Je clique dessus, badaboum, badabing. C'est fantastique. Et il y a des applications qui ne sont pas disponibles sur la Roku précisément, parce que dans le fond, Plex est une application dans la Roku. Si l'application, comme mettons YouTube, n'existe pas sur la Roku, il y a une application, un plugin YouTube pour Plex. Donc, tu rentres dans Plex, dans l'application YouTube, et tu peux regarder ton compte, les vidéos que tu as mis en regarder plus tard. Tu sais, genre, tu peux te faire des playlists, etc. C'est vraiment magique pour ça. Il y a une application pour le iPhone, iPad et autres appareils comme ça, avec une télécommande. Donc, tu peux vraiment changer de chaîne ou aller magasiner pour des nouvelles chaînes parce que tu peux t'ajouter un nombre illimité de chaînes comme à la télé. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a une prise d'écouteur sur la manette de la Roku. C'est nouveau dans la version 3. C'était pas là dans la version précédente, la 2. Étrangement. C'est que tu branches tes écouteurs et ça va muter le son qui sort de la Roku. Donc, ça va muter ta télé. Et ton son sort dans tes écouteurs. Donc, vu que la manette est sans fil et quand même à longue distance, tu pourrais t'entraîner avec la manette dans tes poches, écouteurs aux oreilles, sans déranger personne, ou regarder la télé la nuit. Wow! Et tu peux contrôler ton volume avec la manette. C'est bien passé. C'est vraiment très, très fort. Une option qui va plaire à pas mal de monde, c'est certain. Donc, non, c'est ça. C'est vraiment juste la POC, un fil HDMI qui n'est pas inclus, la manette. Vous êtes pas mal parti en business avec Plex. C'est vraiment l'application que je conseille. Et la manette a aussi un gyroscope dedans pour jouer à Angry Birds. Donc, ça vient avec. Tu peux lancer des petits oiseaux. Ha! J'ai même pas encore essayé. Mais pour vrai, donc c'est la Roku 3. Encore une fois, la Roku 2 XD. et le modèle le plus récent qui est disponible en magasin au Canada. Ça fait pas mal la même chose, sauf que la machine est juste un petit peu plus lente. Mm-hmm. Mais en gros, vous devriez être satisfait avec la Roku en général. Tu, on peut l'acheter via Amazon pour les States, puis sinon ça devrait s'en venir bientôt au Canada. J'espère, mais le problème c'est que la plupart des chaînes qui sont sur la boîte qui te montrent sont même pas disponibles au Canada, donc il y en a beaucoup moins pour vrai. Je sais qu'il y a des façons, et c'est très compliqué d'avoir une carte de crédit américaine ou tu sais, genre pour pouvoir passer par le service américain, mais je vais pas chercher parce que je veux rester légal là-dedans, même si la plupart de mes fichiers dans Plex sont complètement illégaux. Mais bon. Donc, Plex, c'est le logiciel, et Roku sur le site getroku.com. C'est bien ça, getroku.com. Oui, non, du tout, Roku. Hey, Colin, je suis en train de vous donner la mauvaise adresse, moi, là. Roku.com, tout simplement, roku.com. Et vraiment, je vous le conseille. C'est encore pas mal mieux que n'importe quelle autre boîte qu'on peut acheter. Il y en a plein de genre Philips ou je sais pas trop quoi qui sont pas compatibles avec aucun fichier. Plex va convertir vos fichiers en temps réel s'ils sont pas compatibles. Pensez-vous pas à temps. Génial. Et en hommage à cette Roku, voici les sœurs Boulay et cul-de-sac. Cul. Roku. Des fois, mes liens sont moins bons. Ben. Mais... C'est drôle. Je pouvais pas battre Anana tantôt. Non, c'est ça. Je me suis dit cul-de-sac. Voilà. Bon cul. Je suis pris dans un cul-de-sac. C'est une bretelle à gauche, un chemin en terre. Y'a un cul-de-sac que tu verras si tu fais rien que regarder à droite. Ton petit cœur, faut le laisser aller au débrayage. Ça ressemble à rien que tu connais, c'est même pas sur la map. Du gazon et des oiseaux couchés dans des hamacs. Une maison aux quatre murs barbouillés d'orage. Tu comprends pas qu'est-ce qu'on fait. Secoué par le ressac, il y a des ponts où des grands arbres poussent dans les cracks. Des enfants aux grands drapeaux plantent des coquillages. On peut y crier autant qu'on veut et y a personne qui braque. Quand il fait noir, on se réchauffe au silence des claques. Le matin, on boit des mots, on fait voler les pages. Et notre folie sera grande et notre mémoire sera longue. Et notre folie sera grande et notre mémoire sera longue. Et notre folie sera grande et notre mémoire sera longue. Et notre folie sera grande et notre mémoire sera longue. Rassemble un Ruki pour toi aujourd'hui. C F O U 89 1. Toujours à Assemblage Rocky à la plage avec Jean-Philippe Charbonneau et Matteo Plante. Oh que oui, et que la journée est belle en cette journée que vous nous écoutez, peu importe laquelle. Il reste environ une demi-heure à l'émission et cette dernière demi-heure va comprendre entre autres, c'est que ça devrait répondre là. Oui, j'ai hâte. J'ai déjà ouvert le premier puis je suis fébrile. Il y en a encore beaucoup trop, on verra. Pour l'instant, la position numéro 2 du côté anglophone. On va aller écouter Monster Truck avec Sweet Mountain River. Rock'n'roll, comme qui dirait. Assemblage Rocku. Rocku? Rocku! Oh! Assemblage Rocku. Malade. Oh. malade. J'en perds mes écouteurs. Track Sweet Mountain River monte de 3 places en 2e position. Le fun. Oui, merci. Yeah. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, les 25 dernières minutes sont souvent, d'habitude, sont là à cause que notre amie Stéphanie Paradis, c'est sa chronique préférée. Oui. Puis elle est là jusqu'à la fin de l'émission, pour l'instant. Donc, on la fait quand même à ce moment-là. Hein? Ben oui. Pour toi, Steph. Voici, ça, ça devrait répondre. En regardant la chose vite. Oui, la chose vite. À moitié vide ou à moitié pleine? Je suis. J'ai les verres vides. Je me souviens plus du nom. Est-ce que tu essaies de te rappeler d'un fait que j'ai dit au début de l'émission il y a 4 heures, genre, oui. Environ? Non, ça marche pas, ça. Ben, écoute, j'ai essayé, mais je réviserai. Attends, est-ce que t'aimes les petits les poki? C'est comme une collation japonaise, un genre de petit biscuit, c'est super bon. Je trouve ça délicieux. C'est débile. Il y a ça un petit peu partout en épicerie, il y en a. Ici, c'est des poki gigantesques, de 8 pouces de long. De différentes saveurs et personnages de Star Wars. Donc, t'as par exemple Yoda qui est à saveur de thé vert, Luke Skywalker au raisin et Darth Vader à la fraise. 8 pouces de long! Ouais. Ça ressemble un peu à des sabres laser. Ben, c'est ça, c'est le look qu'ils vous laissent donner. Donc, à moins que vous viviez au Japon ou à quelque part comme ça, vous pouvez les acheter sur eBay. Le lien est sur assemblagerequis.com. Ensuite, dans ton réfrigérateur, pas mal réfrigérateur, congélateur, tes produits souvent dans la porte, par exemple, vont tomber. Ou tu vas prendre quelque chose d'autre et ton produit... Ça peut arriver. Les bouteilles tombent. C'est un genre de bungee cord, comme une corde de bungee, mais pour ton frigidaire. Ça s'appelle Suction Cup Bungee Cords. Donc, c'est vraiment un petit cordon avec deux suctions sur les côtés. Tu peux le couper à la grandeur que tu veux. Emballage de deux qui mesure 18 pouces de long. Donc, tu mets ça dans ton frigo, ça retient tes pots. Pas qu'ils tombent. Ouais, ben c'est brillant. Je trouve ça brillant, mais. Comment faire? Ensuite, un miroir virtuel qui peut virer ta tristesse en sourire. Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais c'est de te regarder toi-même. Dans le fond, c'est un miroir qui s'appelle le Emotion Evoking System, développé par Shigeo Yoshida et d'autres chercheurs de l'Université de Tokyo, Graduate School of Interdisciplinary Information Studies. Ça a l'air compliqué dit de même. Mais bref, c'est littéralement un miroir et t'es supposé te mettre devant ce miroir-là. Ça va capturer ton visage et le logiciel à l'intérieur va transformer ton expression, ta tristesse, en sourire. En sourire. Ah ben, ça c'est le fun. C'est cute. Wow. Hein? Donc une étude avec 21 bénévoles ou participants volontaires a révélé qu'il y a une corrélation directe entre l'état de la personne, du participant, et l'expression qu'il regarde. Donc vraiment, ça aide. Ça aide à te rendre de bonne humeur, de te regarder toi-même de bonne humeur. Sinon, pour gratuit, tu peux te regarder dans le miroir puis sourire. Hey, rabat-joie! Ben là, c'est des solutions. Caroline, que tu gâches tout. Tiens, ton chien, tu lui gâches la vie si t'en as un parce que tu ne le laisses pas manger à la table, hein? Ben oui, hey, on veut pas ça. Parce qu'un chien à la table, on s'entend que ça devient habitué à ça assez rapidement. Ouais, ouais, ouais. Donc, le clip-on pet seat, c'est pour mettre votre chien attaché après votre table. Hey, c'est pas fait pour les Danois, ça. Non, en effet. Donc, ça peut prendre les tables jusqu'à 2 pouces d'épais. Ça peut accepter un chien jusqu'à 10 livres de pesanteur. Et c'est vraiment comme un petit panier qui s'attache à la table, avec un étau, si on veut. Ouais. Ça coûte 30$. Toi qui es un peu plus dédaigneux, tu ferais-tu ça? Il y a des poils de chat partout dans la maison. Ouais, puis ça mange pas propre, ça. Un chien, ça en met partout. Non, moi, je suis pas d'accord. Pas vendu du tout. Ensuite, apparemment, je sais pas, que les pieds, c'est un fantasme. Ah, apparemment qu'il y a des gars qui trippent bien gros sur les pieds. Donc, un produit sexual qui s'appelle Belladonna's Foot Soldiers, c'est des pieds de caoutchouc, en fait, de silicone, sur lesquels te frotter. Donc, quelqu'un qui a besoin de se frotter sur un pied amputé. Et il y en a même qui ajoutent des faux ongles. Ah ben oui. Sur ces pieds-là. Soyons tant qu'à y aller, hein. Tant qu'à avoir un fantasme, ouais. Vas-y. Sinon, encore une fois, l'option plus... des vrais pieds. Oui, c'est ça. Être un petit peu plus souple. Tes propres pieds, oui. Mais ce que je comprends pas, c'est que tu sais, il y a des objets sexuels avec une entrée pour t'insérer, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Comment ça fait qu'ils n'ont pas d'entrée dans les talons, genre? Ou les orteils écartillés. C'est ça. Ça devient kinky. Et là, si, en plus, il y a des sous-catégories de gens qui aiment les pieds, mettons, avec les orteils collés, il y a des pieds palmés style. Oui. Là. Donc là, tu peux ouvrir ton marché. Les pieds avec les oignons. Wesh! Les gens mangent, peut-être. Peut-être. Un patch, maintenant, qui vous rend invisible aux moustiques. C'est le Kite Patch. C'est très à la mode en ce moment. Ça fait fureur sur Indiegogo en ce moment. Donc, ça contient des ingrédients naturels qui, lorsque portés, donc c'est vraiment un patch, ça va repousser les insectes, ça va te rendre indétectible, indétectable. Impossible à détecter. Pendant 48 heures. Et t'as pas besoin de le porter sur la peau, tu peux le porter sur tes vêtements. C'est pas magnifique, ça. Donc, présentement, les gens sur Indiegogo ramassent d'argent pour réussir à produire leurs produits. Et ils veulent l'envoyer en premier en Ouganda, où la malaria est très, très commune là-bas. Une fois que ça va être fait, ils vont pouvoir demander l'approbation de l'EPA aux États-Unis. Et ça va devenir disponible aux États-Unis. La compagnie, présentement, reçoit de l'argent de la fondation Bill and Melinda Gates. Donc, ça, ils partent de pas mal moins loin que la plupart des gens sur Indiegogo et Kickstarter. Ils sont... au moment où l'article a été écrit, il était proche de 75 000. J'ai l'impression qu'ils vont avoir dépassé. On va aller voir. Ils sont rendus. Ils sont à 341 000 sur 75. Je pense que ça va bien. Ça va bien. Donc, le Kite Patch, un jour, on va pouvoir se protéger des insectes tout seul. Intéressant, quand même. Ouais. On a parlé un petit peu de tes amateurs de jeux vidéo, quand même. Ça va. Mais pas tellement rétro. Ouais, ben un peu. Ouais, quand même. Un peu. Est-ce que tu joues... C'est juste que ça n'a pas. J'avais des parents qui m'ont pas acheté de console. Par un ingrat. Oui. Donc, mais les jeux avec les joysticks, c'est cool. Tu sais, les arcades, c'est très, très le fun. Donc, ici, c'est le joystick qui va servir à tous vos jeux vidéo. Donc, peu importe la console que vous avez, ça fonctionne sur PlayStation 1, 2 et 3, la Wii, Dreamcast, GameCube, Xbox 360 et Wii U. Et la compagnie, elle travaille sur un adaptateur pour la Xbox One et la PS4. Adaptateur, oui. Je suis surpris, tu sais. Donc, c'est un joystick, évidemment, qui fonctionne comme ça partout. C'est le X-Arcade Solo, presque indestructible, mesure 11 pouces de diagonale ou de longueur. Pèse 12 livres, donc bonne chance si vous voulez vous le faire envoyer sur Internet avec les douanes. Ça vient avec une garantie à vie pour 99$. On peut pas demander mieux. Pour vrai, ça fonctionne partout. Quand même impressionnant. C'est le fun. Génial. C'est le X-Arcade Solo. Ensuite, si vous avez oublié votre trépied pour votre caméra, je sais que t'es un grand photographe de tes barbecues. Oui, des ananas dans le barbecue quand tu coupes les côtés et du sirop d'érable dessus. On le rappelle, c'est la solution à vos problèmes. Si vous allez à un endroit, mettons à Paris, à la Tour Eiffel, la Tour de Pise, hein, etc. Des classiques. T'as pas de trépied pour ta caméra. Tu veux te faire prendre en photo. Et là, faut que tu demandes à quelqu'un de te prendre en photo et puis il peut partir avec ta caméra n'importe quand. Là. Oui. On s'entend que c'est un risque à prendre. Ici, c'est une compagnie, un manufacturier du Japon, fabricant de différents produits pour l'extérieur. Bref, c'est la compagnie Sunpole. En fait, ils fabriquent des flagpoles, des trucs, des bâtons pour tenir un drapeau. Bref, peu importe. Ici, c'est un genre de petit rack. C'est comme une table, un trépied, comme les gens vont parler devant un public avec un petit micro. Là, comment t'appelles ça? Un lutrin. Un lutrin. Merci. Bref, c'est comme un lutrin avec une fente dessus pour insérer ton appareil comme ton téléphone, ton iPad et le faire tenir. Et il est placé exactement à l'angle où tu vas prendre la meilleure photo possible. Aha. Slash, tout le monde va prendre la même maudite photo. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'énerve parce que ça va être vraiment la même photo pour tout le monde. Mais l'idée, quand même. Ouais. Hey, pas sûr. Pas sûr de celui-là. Ensuite de ça, on parle souvent de gadgets pour tenir vos cordons, vos fils d'appareils en ordre. Bref. Ici, c'est comme une planche. Ça ressemble un peu à une planche de bois pour couper les légumes. Ouais. OK. Sauf qu'à l'intérieur, t'as des serpentins, des fentes en forme de serpent, et tes fils peuvent passer là-dedans, et il y a un petit réceptacle au bout où tes prises vont finir. Donc, dans le fond, le petit serpent mène vers un trou à prise. Et là, tu peux enlever du serpentin un fil et brancher ton appareil et le laisser sur la planche. C'est cute. C'est génial. Ça fait écolo. Ouais. C'est le Universal Docking and Charging Station. Et ça mesure de 7 pouces par 8 pouces, 3 quarts de pouce d'épais, avec des pieds en dessous pour empêcher de scratcher la surface de votre comptoir. Si vous aimez les bonbons, toi t'aimes les bonbons, t'es allé chercher des petits, comment on appelle ça? Des bonbons. Mac and Ike. Je sais pas comment ça s'appelle. Parce que ça ressemble à des Mac and Ike, c'est meilleur ça. Mm-hmm. Ils sont fruités. Bref, mais tu veux manger des légumes aussi parce que c'est bon pour la santé. Oui. Pourquoi ne pas manger des bonbons aux légumes? Oui. Bien passé. Et si vous n'arrivez pas évidemment à faire manger vos légumes à vos enfants, mais moi je suis un grand enfant et j'aime pas non plus trop les légumes. Bref, Fresh Vegetable Candy de la compagnie McPhee. Chaque canne, c'est vraiment une canne, c'est rempli de bonbons avec des saveurs de légumes. Donc, c'est pas rempli de trucs nutritifs parce que c'est seulement la saveur des légumes. Donc, c'est pour faire comprendre à tes enfants que c'est bon. Que la saveur peut être bonne de, par exemple, des fèves, des carottes et du maïs. Wow! Donc, c'est un bonbon à saveur de vrai maïs. Et plus tard, quand il va manger du maïs, il va associer ça aux bonbons. Puis les bonbons, c'est le fun. Fait que ça pourrait les aider. Pas sûr que ça va marcher, mais quand même. Donc, Vegetable Candy, en grosse canne, c'est pour 6$ environ. C'est comme une canne cubique, un peu, ça. Ah, tiens, t'es un homme viril, on le sait, Jean-Philippe, c'est comme ça. On se cachera pas d'affaire. Si t'avais un enfant, tu voudrais pas pousser une poussette. Mais non, c'est... Il y a que les filles qui poussent des poussettes, hein? C'est ça que tu veux dire, c'est sexiste. Ça. Donc, c'est la poussette la plus masculine de tous les temps. Donc, c'est la compagnie Skoda qui a construit la VRS Megaman Prime, qui est littéralement, on dirait un tank, tellement les roues sont grosses. Des roues de moto, presque. Je pense que c'est aussi gros que mes roues d'auto. Genre, si c'est pas plus gros. Et dessus, t'as des gros beams d'acier pour faire le tour. Et après ça, sur le dessus, une petite poussette avec un genre d'auvent pour cacher du soleil. Des grosses poignées après ça. Est-ce que ça te convaincrait? Ben, je trouve ça vraiment cool. Vraiment. C'est fait pour un roi, donc des roues de 20 pouces. Tu sais, après ça, ça te prend un garage pour ça. Exactement. C'est pas pratique. Mais ça vaut la peine parce que t'as de la suspension hydraulique, des lumières de frein et même une lampe à l'avant qui va éclairer fort. Tu peux même piner un trailer. Oui, exactement. Oh wow. C'est pas à vendre, c'est seulement un concept, mais quand même une idée bonne. Est-ce que tu connais le phénomène, le meme du Grumpy Cat? Oui. C'est le chat qui a tout à l'air vraiment fâché. Il dit, moi j'ai essayé quelque chose une fois à un moment donné de le fun, mais c'était plate à mort. Ouais. Bon. Bref, ce chat-là qui est très à la mode va avoir sa propre boisson, c'est le Grumpuccino. Il va avoir trois sortes en fait. Grumpuccino est qu'une de ces sortes-là. C'est sur la page Facebook du Grumpy Cat qu'on a annoncé ça. Ça va être c'est ça, trois saveurs, rien à dire de plus vraiment, mais pourquoi une boisson avec ça? Quand on fait bouillir des pâtes, l'eau a tendance, et des fois le lait aussi. Moi, je me fais des pâtes au lait. Au lait! Au lait! Au lait! Ça renverse, c'est jamais le fun. Faut tout le temps surveiller, être super proche. Ça brûle vite, ça. Tu te reviens de bord? Bon. Donc, le Boil Over Safeguard, c'est un couvercle de silicone, qui fonctionne sur les différents, chaudrons, exactement, entre 6 et 10 pouces de diamètre, et ça empêche les dégâts. Et même lorsque ça bouille complètement, quand c'est à 100% en train de bouillir, tu sais, le max de la bouillaison, bouillabaisse. Donc, c'est résistant à la chaleur et ça peut être utilisé pour empêcher évidemment aussi les sauces à spaghetti de sortir. Parce que ça, même quand ça, même si ça se splash pas de tous les côtés, ça va quand même faire des projectiles. Ouais. Voilà. Ça fonctionne aussi sur les poêles. Intéressant. Et pas juste les chaudrons. Et sur Amazon, ce truc-là de silicone, ça se vend pour seulement 13$. Voilà. Ensuite, toujours dans le salon, en fait, on passe la cuisine au salon. Souvent, on va vouloir lire sur son iPad ou sur son ordinateur. Et c'est dérangeant parce que là, il faut que tu laisses ta tablette sur ton divan, tu t'assoies dessus et cassé. Puis on sait qu'un iPad, c'est fragile à casser. Ça arrive vite. Assez facile. Donc, c'est une compagnie de la Suisse qui s'appelle Artanova, qui fabrique ce divan qui s'appelle le Athena, avec plein de multimédia dans les bras. Donc, tu as un moniteur LCD pop-up donc qui peut être emmagasiné dans le bras. Et quand tu veux le sortir, ça fonctionne comme ça. Et tu vas pouvoir équilibrer ton dans le fond... je pense que c'est que tu branches l'écran sur ta tablette. Je pense pas que ce soit pour tenir ta tablette en tant que telle. Oui, il y a un dock iPad et iPhone. C'est ce qui me manquait comme information. Il y a aussi une paire d'eau-parleurs avec un subwoofer de 8 pouces. Wow! Je sais pas ce que ça donne, un subwoofer de 8 pouces. C'est bon, ça? Ben, c'est okay. Pas gros. Mais non, mais c'est pas le job. Bon, ouais. Donc, ça coûte 15 000 $. Pourquoi pas le Athena? Ben, écoute, visuellement, je trouve ça très cool. Mais oui. Pour 15 000, je sais pas où. Je pense que j'achèterais une salle de cinéma. Oui, où je me drillerais un rack. Ouais. Genre. Ouais. Mais c'est plus beau que de prendre le Swift. Comment ça s'appelle? Il annonçait à la télé le retour de cette Swift Table. Tu sais, la table que tu peux entrer en dessous de ton divan, c'est comme un genre de C en plastique blanc. Oui. Que tu peux ajouter la hauteur, mais maintenant, t'as un rack pour mettre ton verre. Wow! Qui peut s'ajuster à la hauteur et l'angle. Ça innove. Hey, c'est le Table Mate 2, toi. Oh, deux! En tout cas, mais c'est lait à mort. Ça serait sûr que le premier, il a pogné. Faut que tu fasses le 2. Ouais, ça doit être là, 15 ans, je me rappelle. Ensuite, quand t'as les serviettes à main, c'est-tu fatigant de ne pas savoir où la mettre? Des fois, tu vas avoir un petit rack de métal pour la mettre. Des fois, tu vas le mettre sur la poignée du poêle. C'est ce qu'on fait chez nous, tranche de vie. Si tu pouvais attacher ta serviette sur ton frigidaire, oh, parce qu'il y aurait aimanté. Un aimant. Oh. C'est ça. Maudit que c'est simple. C'est pas magnifique, ça. Donc, une serviette aimantée, full circle, stick'em magnet kitchen towel. Pourquoi rajouter plus de mots que ça? Ah oui. Super douce et absorbante, en bambou et coton organique. Donc, avec un aimant dans un des coins qui te permet de le coller sur le frigidaire ou n'importe quelle autre machine à laver, par exemple, machine à vaisselle. En effet, c'est magnifique. C'est wonderful. Ensuite, un petit teddy bear, un petit ourson, c'est joli, mais vous voulez pouvoir avoir une conversation avec, un peu comme dans le film Ted. Mm-hmm. T'sais? Donc, c'est le Super Toy Teddy par Super Toy Robotics. Et puis, ça fonctionne avec un petit peu comme Siri. Ça fonctionne pas avec Siri, mais comme Siri. Donc, quand tu lui parles, ça va se connecter à des serveurs qui vont comprendre ce que tu as dit et renvoyer une réponse appropriée. Et ça comprend 30 langues directement quand tu sors de la boîte. Hein? Sans mise à jour. J'imagine qu'il va sûrement avoir des mises à jour parce qu'il va avoir un appareil mobile à l'intérieur de Teddy. En fait, il faut qu'on place son téléphone cellulaire, l'application téléchargée. Tu mets ton téléphone dans le Teddy Bear et ça te répond comme un ourson. Wow. Wow. Il devrait intégrer le téléphone à l'ourson. Génial ici, un vélo qui distribue des bulles, pareil comme dans les enveloppes de colis. Okay? Donc, il y a comme un genre de gros rouleau à l'avant de ton vélo. Et quand tu avances, le rouleau se déroule sur la route et tu piles sur les bulles pour faire du bruit. C'est Eric Boss et son Bubble Wrap Bike. Donc, un vélo qui vraiment distribue des bulles. Ça, c'est pour faire changement aux fameuses cartes à jouer là, que tu mettais dans ton bicycle. Le bruit des agréants. Ça doit être exactement pour ça. Pour réveiller les voisins. Évidemment, c'est un concept. Là, je pense pas qu'on puisse s'attendre à acheter ça de nos jours, de notre vivant. Vous connaissez les boules 8 magiques, le Magic 8 Ball, je sais pas comment on l'appelle ça en français, boule magique. La boule magique. Une boule magique. Bref, là-dedans, je sais pas si tu savais, mais il y a un dé à 20 côtés dans ces boules-là. Est-ce que tu savais, c'est pour ça que tu peux voir un côté qui dit ta réponse, c'est qu'il y a un dé, dé à 20 côtés. Bon, bref, on se comprend. Jason Paul Smith, chez Do It Yourself Hacks and How To's, trouvait que ça manquait de réponses, en fait. Donc, il s'est dit, il m'a offert une boule à 60 réponses. Oh! Et on peut tricher avec, en plus. Donc, Smith a utilisé, attention, un dé à 60 côtés. Et oui, ça existe. Mais ça devrait pas. On l'a, comme c'est le titre de la colonne. Donc, il a choisi une solution élégante. En fait, il dit, l'article dit qu'il aurait pu utiliser un dé à 60 côtés, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. J'ai mal lu ici. Donc, à la place, il a ouvert une boule 8 magique et a mis à l'intérieur un porte-clés à photo numérique. Ça existe comme les cartes numériques, mais avec un porte-clés à place. Et comme ça, il peut éditer les réponses en branchant ça via USB dans son ordinateur. Aha! C'est génial quand même. Ouais. Donc, allez voir la vidéo de tout ça. Évidemment, c'est encore une affaire qu'on peut pas s'acheter. Quand on écoute de la musique, tu sais, tu t'es acheté des écouteurs récemment pour remplacer celles que quelqu'un t'a volé dans les bureaux. Ah oui. Tranche de vie. Ici, on l'avait déjà raconté. Mais bon. Il me semble. Tu veux partager sur Facebook et Twitter la musique que t'écoutes. Parce que t'es un gars de même, la vie nous appartient, la soirée nous appartient. Chacun doit savoir ce que je fais. Voici mon choix musical. Donc, c'est les Music Smart Headphones qui sont capables de se connecter à un réseau social et partager ta musique. Il y a des contrôles tactiles sur le côté droit de l'écouteur et tu peux augmenter, descendre le volume, changer de pièce ou partager, poster ce que t'es en train d'écouter sur Facebook, Twitter et d'autres réseaux sociaux. J'imagine pas sur Instagram, il n'y a pas de d'appareil photo là-dedans. $300 américains, ça va arriver dans le quatrième quart de cette année 2013. Il y a un accéléromètre à l'intérieur pour pouvoir enlever tes écouteurs et ça va arrêter de jouer ta musique. Wow. Tu vas faire pause. Ça, c'est juste pour cette option-là, c'est déjà cool. C'est le fun. T'sais, tu manques pas ta place, tu étais dans un podcast, par exemple. Une poupée, en fait, une statue life-size de Mario, des frères Mario de la série de jeux vidéo, de 5 pieds de haut. C'est tout ce qu'on a à dire. C'est disponible sur Amazon Japan pour environ $2,900, une statue grandeur réelle. Très Mario. Je sais pas si Mario mesure vraiment 5 pieds. Je trouve que c'est petit quand même. C'est bon. Une machine qui va changer votre sueur en boisson. Oui, ça a l'air bizarre, encore une fois, dit comme ça. C'est la Sweat Machine, créée par l'ingénieur Andreas Marr à la demande d'UNICEF. Hein? Donc, pour une bonne œuvre. Donc, essentiellement, ça purifie l'eau humaine. La sueur humaine. Ça la transforme en eau buvable. On ne l'utilise pas pour les pays où ça manque d'eau. C'est pas vraiment ce qu'on veut faire. En fait, c'est juste pour montrer aux gens que les gens manquent d'eau et que ça pourrait aller jusque-là. Mais tu sais, c'est pas fait pour vraiment faire ça. Donc, la Sweat Machine utilise une technologie de filtration d'eau qui s'appelle la distillation par membrane. Et un T-shirt suintant peut fournir environ 10 000 litres d'eau ou encore juste une gorgée pour un T-shirt suintant. Bon, ça va pas vite. Non, il faut que t'es chaud. Ouais. En ce moment, en studio, on pourrait remplir deux gorgées. Si vous voulez prendre une sieste, on a parlé de plein de gadgets pour prendre des siestes ici dans la chronique, mais Nap Anywhere est un nouveau genre. En fait, c'est un oreiller qui soutient votre tête, qui vous donne juste assez de support pour que vous puissiez dormir assis. Créé par un physicien, ça combine ingénierie, architecture et origami, nous dit-on. Donc, Nap Anywhere qui se plie en un disque pour la mettre dans un sac. Et quand vous en servez, ça tient solide votre cou pour que vous puissiez dormir d'une façon confortable et qui est bonne pour votre posture. Mm-hmm. J'adore. De l'autre côté complètement, c'est une bûche oreiller. Pas une bûche des fêtes, ce qui serait magnifique, ma foi. Non, vraiment une bûche qui ressemble à un arbre. Donc, c'est la Log Pillow fabriquée par Kickerland. Donc, c'est pas fait avec du bois, évidemment, mais c'est rempli de polystyrène, des petites billes de polystyrène, comme dans un bean bag là, sur lequel on se couchait quand on était jeune. Ça mesure 15 pouces de long, 6,5 pouces de diamètre. Ça se vend pour $18 américains sur Felflare. Avec ça, j'imagine les inventeurs ont dit « Bon, les gens vont dormir comme des bûches. » Et oh, tire-toi une bûche pour avoir oreiller. Tim Bush. Hey, Tim Hortons devrait sortir une Tim Bush pour les fêtes. S'ils le font pas déjà, une mini-bûche, c'est délicieux. On a-tu envie de manger, tu penses? Je pense qu'on est dû pour ça. Ah, d'ailleurs! Ah non, je vais finir avec celle-là. Non, OK, deux sont des nourritures, les deux sont des bouffes, man! Ah, mais l'avant-dernier, je l'aime. Oui, l'avant-dernier, OK, allons-y avec ça. On aime tous les Oreos, on aime tous la crème dans les Oreos. On aimerait pouvoir avoir de la crème illimitée. Tu sais, j'ai déjà chialé dans une chronique tout le temps de quoi qu'il n'y avait pas assez de crème dans les double Oreos. Oui. Les double Oreos, c'est à peine une fois et demie ce qu'il y a, même pas. C'est une demi-fois ce qu'il y a dans un Oreo normal. C'est pas assez. J'ai essayé les nouveaux à la menthe. c'est double double. T'as-tu vu? Non. Deux étages de crème double. Wow. C'est encore pas assez. Chocolat piment, c'est pas encore assez. Donc, c'est un gars qui a juste créé un emballage. C'est pas pour vrai, tu peux pas acheter ça. J'avais pas vu qu'il y avait des méga stuff Oreo. Il y a double stuff, puis il y a méga stuff, ça, je savais pas ça. Faut que j'en trouve. Bref, le gars, il a pris un emballage de biscuits Oreo. Tu sais, tu peux acheter des biscuits Oreo sans crème. Oui. Donc, il a vidé un emballage d'Oreo. Il a mis des biscuits tous les deux côtés. Et dans le milieu, il a mis que de la crème. Il a vidé la crème de tous ses autres Oreo pour faire des Mario. Ça, je trouve l'idée géniale. Il faut que Oreo vende ça. Mm-hmm. C'est qui? C'est Nestlé qui fait ça? Je sais plus. Il faut absolument qu'il fasse ça. Wow. Nabisco. Bref, peu importe. On en veut. Et le dernier, c'est une avancée dans le domaine des pots de beurre de peanut et autres salsa, etc. Un peu comme un désodorisant, on peut tourner le dessous pour faire monter. Enfin! Enfin! Bravo! Enfin. Donc, c'est ce qu'on veut avoir. Donc, des entrepreneurs qui ont utilisé la technologie derrière les désodorisants pour éliminer le problème d'avoir de la misère à aller jusqu'au fond du pot. Donc, pour l'instant, ce n'est qu'un prototype. Ça n'arrivera pas... Regarde, l'article le dit. Ce produit n'arrivera pas sur le marché avant l'année prochaine. Donc, ça s'en vient! Mais fini les pots, les cuillères toutes beurrées. Ah, oh, oui. Oh. Mais ouais, ben, tu vas pouvoir mettre ta langue directement dedans. Non, c'est parfait. C'est bien d'éliminer le problème des c'est cuillères. C'est parfait. Ah, voilà pour cette espèce de deux réponses. Là, je trouve que c'était vraiment très bon comme, comme gadget aujourd'hui. Écoute, en plus, plus ça allait vers la fin, là, plus c'était bon. Mais c'est ça, c'est que ça dépend vraiment de ce que les gens inventent. Il y a des semaines où c'est meilleur que d'autres. Et là, je trouve que c'était la semaine parfaite de gadget. Ouais. Wow! Retrouvez les notes, évidemment, tous les liens de cette chronique-là sur assemblagerequis.com et une autre chronique la semaine prochaine. C'est le moment de terminer l'émission et de choisir le titre de l'émission d'aujourd'hui, JP. Oui, ben écoute, cette semaine, plutôt tranquille si on la compare à d'autres qu'on a déjà eu beaucoup plus actives. On était juste deux, c'est normal. Là. Oui, ben ça peut arriver aussi, là, peut-être la température. Donc, en début d'émission, je te le dis tout de suite, c'est probablement ma préférée. On saluait Steph qui est à CAPTCHA. Et puis on disait qu'à CAPTCHA, c'était le tiers-monde, litière-monde. Moi, je pense que le titre devrait être CAPTCHA, litière-monde. Litière-monde. Ouais, ça pourrait que les gens comprennent. Mais continue la liste. Après ça, on avait la Kékette Chunky. Oui! Qui était aussi, ma foi, très bonne. Comme une Kit Kat Chunky, mais ouais, on mais se là, c'est la Kékette Chunky. Pizza Hawaiian, ça c'est plutôt... il faut que je commande une pizza Hawaiian la prochaine fois. C'est une note à moi-même, plus. Oui. Hein. Arrangé avec les gars des venus. Oh! C'est bon ça aussi. Ouais. Et puis, les croissants. Les croissants. Ah, ça, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer, là. Mais croissants avec des Reese. Ouais, c'est parce des Reese. On parle d'un croissant qu'on mettait du beurre de peanut et du Nutella dedans. Et des croissants Pillsbury, ça ferait des très, très bons. Bon, moi, j'irais avec CAPTCHA litière-monde. Ouais, moi aussi. Cool. On pourrait dire qu'on s'est dégainé la Kékette Chunky à litière-monde. Voilà. On se quitte là-dessus. On se retrouve jeudi prochain entre 14h et 18h. Pour notre édition de l'Assemblage Requis à la plage. Après nous, restez là pour Serge Nadeau et son émission Rock Révélé. On repasse le samedi à midi. Après nous, c'est le Voyage de Satellite. Et dimanche à 10h. Après nous, c'est un genre de bleu. Allez voir assemblagerequis.com pour les notes d'émission et balades de diffusion. C'est .ca pour la programmation complète. On se quitte avec la position numéro 1 du palmarès anglophone. Donc, on y va avec Alice in Chains et Hollow qui monte de deux positions. Yes. À la semaine prochaine, JP. Merci. Bye. Bye.